peut-être, mais ça peut devenir historique. Allez, monsieur Pitana qui regarde aussi ses assistants, les Français qui sont. C'est parti! Le coup d'envoi de ce quart de finale au bout de ces 90 ou des 16, 120 minutes, voire d'une séance de tir au but. Eh bien, il y a peut-être une sixième demi-finale de Coupe du Monde pour les Bleus avec ce ballon qui sort. Première touche jouée par l'équipe de Didier Deschamps. Et on rappelle l'information principale dans cette composition d'équipe de France. C'est la titularisation de Corentin Tolisso que l'on a vu très concentré. Alors, visage peut-être un petit peu de momie hein, dans le couloir. On sait qu'il n'avait pas forcément très bien réussi sa première titularisation en Coupe du Monde face à l'Australie. C'était le début. Il a eu le temps de se reprendre et il a eu le temps d'entendre les mots de Didier Deschamps, on l'espère, pour pouvoir toucher ce premier ballon là, peut-être sur le côté gauche avec Hernandez. Et au début de cette action, il y avait bien la première accélération de Kylian Mbappé, parti du côté droit et qui repiquait dans l'axe. Les Uruguayens se sont ensuite repliés. Le ballon dans les pieds de Samuel Umtiti qui va s'appuyer sur Lucas Hernandez, avec notamment dans ce couloir droit évidemment Caceres qui s'est replié. Il y a même deux joueurs uruguayens face à lui. On revient sur N'Golo Kanté. Et tout de suite on voit les Uruguayens qui sortent sur le porteur du ballon, qui viennent harceler à l'image de Caceres là à l'arrière droit qui était monté immédiatement. Peut-être les premières transmissions avec Giroud qui donne très rapidement en direction de Corentin Tolisso. Ça a été le leitmotiv hein, l'entraînement tout au long de la semaine. Guy Stéphane l'a résumé. Le jeu en pivot c'est bien, mais il faut que quand on redonne le deuxième ballon, le troisième, il soit en mouvement, qu'il arrive lancé. Il faudra bon être dans les petits périmètres, notamment aux abords de cette surface de réparation. Il y a une possibilité, attention, il y a un joueur français qui est resté à terre, c'est Olivier Giroud qui est touché à la cheville. Le jeu qui se poursuit, monsieur Pitana qui interrompt pour l'instant ce match. Il se plaint de la cheville. Est-ce qu'il a pris un coup, Olivier Giroud, avec notamment il y a déjà des Uruguayens qui viennent les voir, notamment Jiménez, pour dire à Olivier Giroud, tu n'as pas grand chose et tu pourrais te relever. Il fait signe, l'attaquant de Chelsea, qu'il a bel et bien été touché à sa cheville. On lui a marché dessus, semble-t-il, et ouais, en tout cas, le jeu est arrêté. Ouais, Jiménez était derrière lui. Eh oui, il marche sur le talon. Alors, Bruno Derrien. Oui, Jiménez lui marche sur le talon. Alors, est-ce que c'est fait sciemment ou pas? Ça n'a pas l'air volontaire, quand même, si vous pensez que c'est volontaire? C'est volontaire. Pour moi, c'est totalement volontaire. Jiménez, rien n'est fait au hasard. C'est le début de match. C'est l'intox début de match. Ça mériterait même un carton avec la vidéo. Mettez ça sur un petit bloc et puis on en reparle dans deux heures avec Vicente Lizarazu. Il va vous expliquer comment ça se passe sur les cinq premières minutes du match. Giroud, il a raison de rester au sol. Comme ça, il montre qu'il s'est fait sécher et ça lui donne l'occasion de se plaindre, de voir que l'arbitre, ça conditionne l'arbitre. Parce que Giroud, c'est bon, il va continuer, il va passer de la rencontre. Mais au moins, il a montré que déjà, il avait pris un coup, qu'il avait mal, et ça peut conditionner l'arbitre pour la suite. Et donc, c'est Giroud qui est presque plus malin que Jiménez. C'est lui qui se prend, il se fait marcher dessus. Allez, parlons football. Au bout de deux minutes, on est déjà en train de parler d'un truc qui n'est pas du football. En tout cas, Giroud n'a pas simulé, on est d'accord. Mais je pense pas que c'était volontaire. Allez, ça joue. C'est le foot, hein. Ouais, avec le ballon qui est sorti, Lucas Hernandez là tout de suite qui a progressé dans la moitié de terrain uruguayenne, mais il s'est retrouvé avec trois joueurs face à lui. Il y a eu un tac, ce ballon qui sort et c'est une touche. On avait annoncé le combat. Mais là le tac était régulier, c'était sur le ballon le tac. C'est la chale. C'est compact. C'est la chale qui a pas encore été transféré dans l'équipe ADD. Il est de l'autre côté. Avec Suarez qui a le ballon, qui maintenant va donner justement à la chale avec ce ballon aussi qui arrive dans proche de la surface de réparation. Le ballon toujours uruguayen. Ouais, face à Benjamin Pavard qui a peut-être pas bien serré au marquage. Attention peut-être avec cette position de frappe là-bas. Côté droit, le ballon dans les pieds de Nandes qui va revenir derrière. Le ballon est dégagé. Ce ballon qui a navigué avec également Stuani qui était proche du point de pénalty, mais surtout la défense française qui n'est pas vraiment intervenue sur ce ballon qui est arrivé sur la gauche, qui est revenu ensuite sur la droite. Les Bleus qui ont fini par se dégager, mais il y avait notamment trois joueurs uruguayens dans cette surface de réparation. Ils arrivent à se projeter assez rapidement. Et surtout Stuani qui aurait peut-être pu négocier cette balle. Attention Français. Attention à Pavard qui doit être plus dur dans le duel et plus concentré dans le mouvement adverse. Là, il était pas du tout. Ça part de là, effectivement. Et après, Umtiti est un peu aussi à l'arrêt. Ouais. Et ça part d'un ballon perdu de Varane. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs sur cette action. Allez, Caceres au coup franc, on est dans la moitié de terrain de l'équipe de France, à 40 mètres, on va revenir derrière les Uruguayens, ça va repasser carrément par Godin qui réoriente à droite pour Caceres. Oui, Caceres avec tout de suite Tolisso qui monte dans le couloir et ce ballon qui va repasser derrière vers cette charnière centrale que connaît bien évidemment Antoine Griezmann, ses coéquipiers à l'Atlético de Madrid, Jiménez, Godin, le ballon qui revient sur la tête là de Cáceres qui s'appuie sur Nández. On est dans le couloir droit de l'attaque uruguayenne, un centre là pour trouver Suarez, de jeu en déviation, Expony dans la surface de réparation, la centre, le centre, un centre frappe avec qui passe devant le but de Goloris qui n'a pas touché ce ballon, ça va filer là-bas vers le poteau de corner. Alors Cáceres, il a lu tous les papiers dans la semaine qui disait qu'il était cramé. Et là, je ne sais pas combien de temps il va pouvoir tenir comme ça, mais il fait un nombre de kilomètres, il cavale, il enchaîne les sprints, il propose, il récupère. Et là, c'est lui qui a encore une fois créé le surnom à droite. Et attention, parce que il faut tenir au marquage. Il y a eu quelques oublis encore. Oui, avec ce ballon joué par les Uruguayens, cette touche, ils insistent, on est dans les 30 derniers mètres. Et là, par contre, les Français vont pouvoir jouer sur la contre-attaque. Oh, le ballon perdu par Antoine Griezmann, oui. Ouais, attention, Antoine Griezmann, là, il faut essayer de récupérer la petite erreur. Là-bas, à côté, à droite, avec Lachat, encore une fois, qui va centrer un petit peu déficient techniquement. Griezmann qui tente, encore une fois, une déviation en une touche de balle et qui perd le ballon. Oui, ce ballon, ils insistent, évidemment, les Uruguayens, en restant à une quarantaine de mètres. Pas de conséquences pour les Français parce que le ballon derrière de Griezmann est récupéré par N'Golo Kanté. Là, c'est Mbappé qui accélère et qui passe en revue 2-3 joueurs de cette sélection uruguayenne et qui décale côté gauche. Il change tout pour Hernandez. Il a un petit peu de champ. Hernandez, est-ce qu'il va frapper? Oui, il trouve peut-être Giroud en pivot dans la surface de réparation. Ouais, ballon dégagé comme ils peuvent par les Uruguayens. Ça revient dans les pieds de Paul Pogba. Pogba qui va jouer sur Pavard. C'est un centre très fort à rater tout à l'heure de Hernandez avec Pavard maintenant qui redonne à Mbappé qui est venu sur le côté droit. Griezmann dans l'axe qui va peut-être donner à Olivier Giroud qui contrôle le début de surface de réparation avec maintenant Mbappé qui va centrer ce ballon qui arrive devant tout le monde mais qui est touché par les Uruguayens avec Hernandez maintenant. Ouais, contrôle raté et Suarez était revenu dans son dos, très bien vu de la part du joueur du Barça. Mauvais dégagement en revanche de Cáceres. Griezmann va pouvoir en profiter à l'entrée de la surface de réparation. Il est un petit peu bousculé dans son dos, la petite talanade en mouvement pour Corentin Tolisso. On préfère revenir derrière pour N'Golo Kanté qui va tout changer là-bas avec Pavard avec notamment Mbappé qui propose une solution dans le couloir. Il est servi, il y a Pogba aussi qui se met du même côté, ce qui va repiquer dans l'axe. Mbappé, il vient s'appuyer sur Varane. Tous les Français sont dans la moitié de terrain de cette sélection uruguayenne avec Kanté, avec Pavard maintenant côté droit. On cherchait une nouvelle fois là Kylian Mbappé. Il faut qu'il fasse un bon geste technique, une bonne passe qu'on retente Tivisso vers l'avant parce que pour l'instant on sent qu'il est un petit peu pris par l'enjeu. Le centre dans la surface de réparation de Pavard, c'est repoussé, ce sera une touche pour l'équipe de France, toujours 0-0. Déjà 7 bonnes minutes de jeu ici à Nijni-Novgorod. Et première pause, c'est parti. Des occasions, en tout cas des situations pour les deux équipes dans les deux surfaces. C'est très équilibré. On s'attend à un match, une vraie bagarre entre l'Uruguay et la France. 0-0 après 7 minutes. On revient dans un instant. RTL Mondial 2018. Tous avec les Bleus. Avec Winamax, site de paris sportifs, parce que vous méritez les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. En juillet, il y avait cette reprise de 4 300 € de tout ce qui roule pour l'achat d'une Opel Corsa, avec climatisation, radio CD Bluetooth et régulateur de vitesse. Pourquoi j'aurais cru? Je veux dire, la mort d'Elvis, j'ai pas cru, le monsieur sur la lune, j'ai pas cru. Alors une reprise de 4 300 €, le complot quoi. Et puis l'offre est passée, et depuis, j'ai honte quoi. C'est pourtant vrai. Pendant les German Days, journée allemande jusqu'au 13 juillet, Opel vous reprend tout ce qui roule 4 300 € minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. La bonne idée but, c'est l'opération Crazy Literie. Moins 50% sur un oreiller. Bon allez, je me tais. D'oreiller. En ce moment, chez But, moins 50% sur l'oreiller Ergosoft Dreamea à mémoire de forme qui passe de 19,99 à 9,99 seulement. But, des prix et des idées tous les jours. Crazy Literie, literie en folie. Présence des tomates à l'issue de la première mi-temps, aussi bien tactiquement que techniquement, les tomates font rougir leurs adversaires. Farcis en salade à l'apéro, les tomates sont indétrônables. Et c'est la saison. Avec les tomates, partageons les plaisirs. Club RTL Mondial 2018. Éric Silvestro, Sylvain Charlet et Bertrand Latour. Uruguay, France. Oh là là, Philippe Sanfourche. Oh la faute sur Lucas Hernandez. Elle est horrible, elle est vilaine, il vient de derrière. Qui a tamponné Lucas Hernandez? Là, c'est arrivé à une vitesse folle. Il était en train de contrôler le ballon, de chercher un angle de passe. C'est Stuani qui revient. Fernandez? Non, Stuani. Nandez vient après en fait. D'accord. Bruno Derrin, c'est carton jaune sûr, à mon avis. Une vilaine faute de Stéphanie, ouais, qui mérite un avertissement. Ah bah non. Il se désintéresse totalement du ballon. Pas de carton là. Pas de carton. Pas de carton. Hallucinant. Ouais, et souvenez-vous que cet arbitre argentin, il avait mis beaucoup de temps avant de sortir des cartons hein, sur le match de la Croatie face au Danemark. Et d'ailleurs, il aurait dû mettre un rouge, il l'avait même pas mis quand Rebic se fait découper sur la cage. 0-0, on le rappelle, entre l'Uruguay et la France, hein, parce que du coup, on a été pris par la faute. Pas de but pour l'instant. Et le coup franc, il va être joué avec Antoine Griezmann de son pied gauche, qui va mettre ce ballon dans la surface de réparation au deuxième poteau. Les Français qui sont montés plus haut que tout le monde, mais qui n'ont pas pu contrôler cette balle avec Raphaël Varane notamment. Ça va sortir derrière la cage de Mousselera. Il faudra s'appliquer effectivement sur ces coups de pied arrêtés. Ça peut être décisif dans cette partie. On verra, même si c'est pas totalement fermé hein, sur ce début de rencontre. Non, parce qu'il y a eu quelques approximations, notamment à 30-40 mètres des deux côtés. Et du coup, il y avait des situations à exploiter de la part de l'équipe de France, Bruno, ou de la sélection. Oui. Bruno Derrien. En 86, il y a un arbitre français qui n'avait pas eu d'état d'âme pour sortir un carton au bout de 50 secondes de jeu pour un Uruguayen. C'était Joël Quinu contre Batista. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Il faut une grosse faute sur Strachan. Parce que là, pour 52 coup, secondes. Bon, là, c'était pas un rouge, c'était un jaune, ce tacle. La faute de Stuani méritait vraiment un carton jaune et psychologiquement, peut-être, il n'a pas voulu commencer à sortir les cartes jaunes. Mbappé sur le côté droit qui fait la différence et qui élimine, même s'il est repris derrière. Il a un petit coup à la cheville aussi, là, Kylian Mbappé, mais sur cette accélération encore, sur 3-4 mètres, il a effacé deux Uruguayens le long de la ligne. Est-ce que c'est la cheville ou pas? En tout cas, il est revenu peut-être pour montrer aussi qu'il avait pris un coup dans le contact, pour montrer à l'arbitre. C'est joué, il leur fait mal en tout cas. Ça fait déjà 2-3 fois qu'il accélère là. Il balle leur fait pied, mal. Hein. Balle au pied, c'est le seul qui fait des différences pour l'instant. Il a changé son jeu. Hein. Il a vraiment écouté les conseils du staff, de ses coéquipiers pour être beaucoup plus explosif au moment du démarrage et faire des différences immédiatement. Attention, ballon dans les airs. Ils ont du mal à aller sortir les ballons avec peut-être N'Golo Kanté qui va déclencher la frappe. Elle est contrée. Il s'arrache, Antoine Griezmann, pour éviter que le contre puisse partir de loin. Ouais, Umtiti qui sort sur Suarez, sur son coéquipier. Alors là, on était à l'entraînement au Barça, mais il n'y avait pas de cadeau. Hein. Et il se plaint d'avoir été touché à la cheville. D'ailleurs, Luis Suarez, en parlant à monsieur Pitana, il y est allé de bon cœur, Samuel Umtiti. Mais il y aura donc, il est en train de lui dire d'ailleurs l'arbitre. Ça suffit, faut pas parler. Et monsieur Pitana va quand même aller voir N'Golo Kanté. Mais il se trompe en fait, il parle à Kanté, mais il dit aussi à Umtiti de faire attention sur les contacts. Tout de même un coup franc parce que la faute a été sifflée. Tout de même un coup franc pour l'Uruguay. Non, c'est pareil. C'est une vilaine faute d'Umtiti qui donne un coup de pied dans le tibia, enfin derrière Suarez. On marque le territoire. Les Français sont pédagogues, mais il y a peut-être un moment où il va falloir. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'ils sortent les cartons assez vite, sinon ça va dégénérer. Les Français sont prévenus, mais il va falloir vraiment garder ses nerfs dans cette partie parce que les Uruguayens font beaucoup de fautes, exagèrent quand ils prennent des coups. L'arbitre est extrêmement théâtral, il en rajoute des caisses, il ne donne pas de carton, mais il a l'impression que c'est lui la vedette du match. C'est son style d'arbitrage. Voilà. Mais ça peut agacer. Je trouve qu'on peut dire la même chose des Français. Hein. Pour l'instant, tout le monde en rajoute des tonnes sur chaque faute. Il ne faut pas mettre ça corner que sur le dos des Uruguayens. C'est pas mon avis. Avec ce ballon qui est sorti, ce sera le premier corner pour les Uruguayens. Avec le ballon de la droite vers la gauche qui sera frappé par Lucas Torreira, et notamment une belle présence devant le but avec les Français au marquage. Monsieur Pitana, une nouvelle fois, qui intervient pour signaler et signifier aux joueurs qu'il a bien l'œil sur les différents duels. Torreira, c'est le plus petit, c'est lui qui va le tirer sortant ce corner avec la tête uruguayenne. Hugo Lloris qui est obligé de sortir et de boxer ce ballon des deux points, mais quasiment à ras de terre parce que la tête avait été frappée par un uruguayen et le ballon est arrivé peut-être un petit peu moins vite qu'il l'imaginait. Et pour ne pas qu'un pied vienne dévier cette balle et le mettre en difficulté, Hugo Lloris s'est jeté devant lui à 1m50 au ras du sol pour aller boxer ce ballon du point et écarter le danger. Il y avait Stoani qui était tout proche d'Hugo Lloris, c'est qu'ils étaient à l'affût effectivement. Les Français qui ont eu du mal à dégager leur camp, à relancer, et c'est un nouveau coup franc pour l'Uruguay. On est à une cinquantaine de mètres, toujours 0-0 entre l'Uruguay et la France à la 14e minute. Coup franc à venir, et cette fois tous les joueurs quasiment aux abords de la phase de réparation. Ah ouais, il y a vraiment que Mbappé hein, qui est sorti, sinon il y a une ligne de 9 joueurs de champ à l'entrée de la surface de réparation côté français, et c'est bien Olivier Giroud qui va prendre le premier ce ballon de la tête pour repousser le danger. Et finalement Hugo Lloris qui va l'aider également sur ce deuxième ballon à pouvoir relancer très rapidement à droite pour Pavard. Oui, il y a du champ pour Benjamin Pavard parce que ils ont mis du temps un petit peu à se déployer là les Uruguayens. Pavard qui a donné à Mbappé qui s'excentre un petit peu côté droit, c'est bien fait, il ne perd pas le ballon, il remet derrière bien, hein, à Paul Pogba et qui change lui complètement le jeu. Très propre pour l'instant Mbappé, techniquement très précieux face à cette équipe. Il joue simple, il joue simple. Ouais, il joue simple, il perd pas de ballon. Ça écarte, ouais, ça écarte. Tolisso qui va retrouver Pavard là-bas, il contrôle, il remet dans le paquet Pavard avec la tête de Giroud. Oui. Deuxième poteau pour Mbappé qui essaye de lober, oh là là, ça passe au-dessus. Oh, il était la caisse de Mousselin, c'est dommage, faut vraiment qu'il progresse dans ce domaine Kylian Mbappé de la tête parce que là il était isolé. Là, il pouvait peut-être pas la frapper directement parce qu'en fait elle retombe quasiment à la verticale, donc c'est difficile de lui donner de la vitesse, mais par contre faut qu'il la remette dans l'axe pour un coéquipier. Mais il a peut-être même le temps de la contrôler poitrine. Il est tout seul, il n'y a pas d'adversaire direct. Très mauvais timing, c'est-à-dire qu'il saute trop tôt, donc au moment où le ballon arrive sur lui il est en train de redescendre, donc il ne peut pas mettre de puissance dans sa frappe de la tête, mais il peut pas toujours contrôler les poitrines, il est tout seul. Oui, peut-être, bon, à partir du moment où il fait le choix de la tête, son timing est mauvais, mais bon, c'est son point faible. Le choix de la tête est le bon, mais je crois que depuis le début de la compétition il n'avait pas fait une seule tête avant le dernier match, donc c'est possible que ce soit sa première tête du tournoi. C'est vrai que là pour le coup si ça l'autre qui la rate, c'est une grosse occasion, très grosse occasion ratée. Ah, la remise de Giroud était bonne, pourtant il avait bien vu son coéquipier d'attaque comme ça et ça, il avait bien renversé le jeu sur cette déviation. Les Français qui sont en défense, ballon pour l'Uruguay avec Martin Caceres côté droit. Et l'Uruguay qui évolue dans une sorte de 4-4-2 losange, hein, puisque oui, c'est Bentancur qui est en soutien des deux attaquants et Torreira qui joue le rôle de sentinelle. Devant sa défense avec Caceres là, à la lutte avec Hernandez qui va parvenir à centrer. Caceres, le ballon pour Stuani, il s'était bien jeté Samuel Umtiti et on va réussir à ressortir ce ballon difficilement, hein. Lucas Hernandez parfois un petit peu dans les duels là, il se fait avec Caceres, il s'est déjà fait un petit peu prendre, heureusement que derrière Samuel Umtiti est bon sur et qui veille sur Stuani qui avait une position dans la surface de réparation. Pavard et Hernandez sont un petit peu naïfs en ce début de match, hein. Et je me demande s'il n'y a pas une main involontaire de Umtiti sur son tacle sur le centre dans la surface de réparation à l'instant, mais totalement involontaire. Le manque d'expérience tout de même va peut-être se faire sentir. Les milieux uruguayens aussi qui sont très jeunes pour l'instant, on voit ils perdent pas mal de ballons. Ça nous donne un match assez haché, 0-0 après 16 minutes. Courte pause et on revient. Club RTL Mondial 2018. Uruguay-France. Intermarché vous propose d'écouter le prix du jour. Ah ben ça va nous faire une bonne entrée. C'est pas un dessert ? Non, c'est une entrée. Ah non, c'est un dessert. Une entrée. Dessert. Entrée. Dessert. Entrée. Dessert. Aujourd'hui, la pastèque noire sans pépins, mon marché plaisir, est à 1,79€. Et c'est seulement jusqu'à samedi dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine Espagne, calibre 5-6, catégorie 1, prix à la pièce. Cuisine Aviva, c'est pour celles qui se mettent du vernis pile quand il faut ranger les courses. Ou pour ceux qui trouvent toujours une bonne raison pour s'éclipser avant de débarrasser la table. Jusqu'au 7 août, profitez des soldes pour vous offrir votre cuisine Aviva. Avec des remises jusqu'à moins 50%, vous allez faire de bonnes affaires. Voilà une bonne raison d'aller chez Cuisine Aviva. Voir conditions en magasin et sur cuisine-aviva.com. Cuisine Aviva, garantie à vivre. Il faut refaire toute la toiture avec l'étanchéité et agrandir le salon. Okay. Pour la fin de la semaine. D'ailleurs, vous travaillez bien en Ford Transit Courrier. Une bonne réputation se construit en Ford. Découvrez toute la gamme Ford Transit à partir de 99€ par mois et bénéficiez d'une reprise de votre ancien utilitaire de plus de 10 ans, quelle que soit sa marque, jusqu'à 1500€ en plus de l'Argus. Loyer hors taxe pour un transit courrier ambiant de 75 chevaux après apport de 1450€. LLD professionnel 24 mois 30 000 km jusqu'au 30 septembre. C'est acceptation par Bremen et Lise, voir Ford.fr. Chérie, c'est l'été 100% remboursé chez Bricorama. L'été 100% remboursé chez Bricorama ? Oui ! Jusqu'au 22 juillet, un produit remboursé en bon d'achat, des 100€ d'achat sur une sélection d'articles. Un ventilateur 100% remboursé ? Ou la peinture pour le salon ? Allez, on fonce chez Bricorama. Bricorama, entre nous, une même passion. Produit en quantité limitée, voir conditions en magasin et sur Bricorama.fr. Cet été sur Arte, ce n'est que de l'amour. C'est le Summer of Lovers. Des films cultes, des portraits d'icônes de la séduction et du glamour, des concerts mythiques et des documentaires sur les stars de la culture pop. Y résisterez-vous ? À partir du 1er juillet, tous les vendredis et dimanches soirs, c'est le Summer of Lovers sur Arte. Rendez-vous ce soir à 23h10 avec le documentaire Barbra Streisand, Naissance d'une diva. À voir sur Arte et à revoir sur arte.tv. Arte, ouverture permanente. Avec RTL. Pour partir tranquille en vacances, il me faut des pneus Michelin. Et là, ils sont où les experts Euromaster ? On est là, monsieur. monsieur Colin, avec notre partenaire Michelin depuis 25 ans. Et en ce moment, on vous offre même l'assurance et l'assistance pneumatique. Et oui, vos experts Euromaster sont toujours là pour entretenir votre voiture. Jusqu'au 29 juillet, pour l'achat de deux pneus Michelin Cross Climate, parfaits pour rouler en sécurité dans toutes les conditions climatiques, Euromaster vous offre l'assurance et l'assistance pneumatique partout en Europe. Euromaster. Vous êtes entre de bonnes mains. Conditions sur Euromaster.fr. Alice, qui fait ses courses dans un magasin U, discute avec le responsable du rayon fruits et légumes. Bah dites donc, ils sont beaux ces abricots. Mais bien sûr qu'ils sont beaux, et en plus leur prix est inratable. Des abricots origine France à 1,95€ le kilo. Alice s'exclame. 1,95€? Ah oui, vraiment, c'est beau. Enfin, c'est inratable. C'est jusqu'à samedi dans les magasins U participants, voire liste sur magasinu.com. Abricots calibre 45-50. U. Commerçant autrement. Éric Silvestro, Sylvain Charlet et Bertrand Latour. Uruguay, France. Club RTL Mondial 2018. Le premier quart de finale de cette Coupe du Monde en Russie entre l'Uruguay et la France. On dépasse les 20 minutes de jeu. Philippe Sansfourche, Nicolas Georgerot au commentaire. Toujours pas de but. On avait une belle occasion là pour les Français, mais Griezmann a raté son ballon. Ouais, c'est dommage parce que collectivement, c'est plein de bonnes intentions. On essaye d'accélérer, on essaye de pas trop tenir le ballon. Et on voit que techniquement, ce milieu de terrain de l'équipe de France est au-dessus de celui de la Céleste. Et on voit notamment un N'Golo Kanté qui est encore en train de faire un début de match absolument fantastique. Giroud aussi, très très disponible dans les déplacements, qui là encore offre un bon ballon en déviation. Corentin Tolisso qui va redonner à Pogba. Et les Français qui s'installent juste devant le but uruguayen avec Pogba qui insiste, qui joue en relais avec Mbappé, qui a essayé de jouer en déviation pour retrouver Antoine Griezmann, le ballon qui n'était pas assez précis, ballon dégagé par la défense uruguayenne, mais ça va revenir, notamment Pogba qui a la balle, qui va essayer de décaler Benjamin Pavard à la course face à Godin, peut-être ce ballon qui sort et ce sera un corner pour l'équipe de France. Ah, ce ballon arraché. A été touché, il était un peu long ce ballon, mais il s'est arraché Pavard, il a réussi à obtenir ce corner. Et dès qu'ils mettent du mouvement et de la vitesse, les Français font des différences, sont plus à l'aise. Ça, c'est comme ça que ça peut passer, en multipliant les redoublements, en faisant des propositions, des démarrages. Et il y a des joueurs majeurs notamment, qui semblent dans un bon jour. Le corner à suivre avec du monde dans la surface de réparation. Griezmann pour frapper ce corner de la droite vers la gauche avec effectivement 5-6 Français, notamment Kylian Mbappé tout proche de Mousselera. C'est sur l'action précédente qui a amené le corner. Vecino, le milieu, quelque part un peu sur cette action, symbole de toute la volonté uruguayenne de revenir défendre et d'aider les défenseurs. Monsieur Pitana qui donne le coup d'envoi avec ce corner, avec ce ballon frappé par Antoine Griezmann. C'est dégagé par la défense uruguayenne. Kanté qui remet dans le paquet. Ouais, c'est repoussé par les Uruguayens, mais ça revient bien. Il y a une bonne phase là des joueurs de l'équipe de France. Là Hernandez qui met une longue chandelle qui va aller directement dans les gants de Mousselera. C'est un petit peu dommage, mais c'est vrai qu'on a vu de belles choses. Et tout à l'heure, Antoine Griezmann a réalisé un grand pont à l'entrée de la surface de réparation. Derrière, il aurait dû servir Benjamin Pavard. Il a préféré essayer de chercher Kylian Mbappé. Il y a encore des ajustements à trouver, mais dans l'esprit c'est pas mal. Ouais, je trouve pas trop dans le match Antoine Griezmann. Tu l'as dit, sur ce coup-là il réussit un premier bon geste, mais il aurait pas dû jouer sur Mbappé, il aurait dû jouer sur le côté. Il est mal inspiré sur l'entame de match, c'est pas encore du grand Griezmann. Il perd pas mal de ballons. Ouais. Contrairement à Giroud, Mbappé qui arrive à être plus précieux dans la conservation. Ouais, c'est peut-être un peu la charge émotionnelle aussi, il a été au cœur de tous les débats cette semaine, l'Uruguayen. On dit qu'il va falloir faire un bon match quand même, hein, parce qu'au début il était fatigué, il y avait le transfert. Enfin bon, ce serait bien quand même qu'avant qu'on se fasse sortir, qu'il fasse un bon match. Quoi. Bah, il a pas marqué dans le jeu, il a marqué sur penalty. Alors là, il y a Suarez qui vient aussi d'en coller une petite à Benjamin Pavard au bord de la touche. Là, il arrive lancer Benjamin Pavard qui protège son ballon. Alors on peut dire que Pavard joue pas trop le ballon, il le protège un peu, mais Suarez arrive comme un mort de faim et lui met un énorme coup de postérieur dans le dos. Ça faisait un moment. Pavard qui va se relever. Avec le coude en avant, le coude en avant saillant, il se désintéresse totalement du ballon. Là encore, c'est sanctionnable. Bruno, il fait quoi l'arbitre dans ce match? Je me pose la question. Je trouve qu'il est permissif. Après, il s'est peut-être dit, si je commence à sortir les cartons dès la 5e minute ou dès la 10e minute, je vais en sortir 15 dans le match. C'est non, la 25e. Oui, là, oui, mais. Bah, deux choses. L'une, ou vous les sortez et vous calmez les joueurs, ou vous les sortez pas et ça dégénère. Là, ça va dégénérer. Il s'est fait toucher. Oh là là. Hop, hop, hop. Avec Mbappé aussi, ça s'énerve. D'abord, il y avait aussi un contact sur Pogba, les Français qui vont jouer ce coup franc. Pogba la feinte là avec Bettencourt. Oh, c'est chaud. Mais avec entre la chatte et avec Mbappé aussi, il y avait un bon contact le long de la ligne. Ouais, c'est monté d'un cran là, la température, Nijni Novgorod, ça commence à devenir un petit peu costaud. En revanche, en qualité footballistique, c'est pas terrible, on va pas se mentir. Hein. Oh, il y a quand même beaucoup d'approximations techniques, je trouve. Parce que ça va vite, Eric. Parce que ça moi, je trouve les Français intéressants dans le jeu placé, pour une fois. Là. Ouais, après, ça manque d'opportunités, mais je trouve qu'on est créatif, il y a du mouvement autour du porteur, c'est encourageant. Après, ils sont. Attendez à pire que ça. Hein. Exactement. Large possession des Bleus. Mais moi, ça me plaît bien, justement. Il n'y a pas ces phases de conservation, de préparation où finalement en fait c'est du temps perdu, où on laisse le bloc se remettre, parce qu'on a un peu caricaturé quand même les Uruguayens. C'est pas non plus la bétonnade tous derrière, c'est-à-dire qu'effectivement ils ont plutôt un bloc bas et ils attendent les Français, mais dès qu'ils ont une possibilité de récupération, ils montent en bloc, et donc quand les Français après eux récupèrent le ballon, le but du jeu c'est de repartir très vite. Et on a entendu les supporters français hein. Ouais, ils sont très présents. 60-40 la possession à l'avantage des Français. Les Français ont tiré 5 fois au but, n'ont pas cadré une seule fois. Là où un des écueils de l'équipe de France, c'est de ne pas tomber dans le Mbappé à bloc, et parce que là pour le moment Tolisso ne voit absolument pas. Et ça peut devenir un peu facile à lire pour les Uruguayens s'ils n'attaquent que du côté droit. C'est un c'est peu vrai. Ce qui commence à se passer. Ils étaient trois sur la zone d'Mbappé là. Mais il n'a pas perdu le ballon, il l'a redonné simplement. Et pour l'instant, il est intéressant. Hernandez là, qui sur un long ballon qui est transmis par Pogba. Ouais. Hernandez ailleurs, il vient buter sur Nandez, et derrière. Il a quand même réussi à éviter la perte de balle, mais les Français sont obligés de refaire. Pourquoi il se retrouve en difficulté, parce qu'il n'a pas Tolisso qui le colle, et que quand il reprend ce ballon, ce long ballon, il n'a pas la possibilité de remise rapide. Tolisso a du mal à se positionner. Griezmann, peut-être position de frappe, il s'arrache pour redonner ce ballon à Mbappé en train de surface de réparation. Il essaye de faire le grand pont, le dribble sur la chatte, mais c'était un petit peu lu cette affaire. Il arrive quand même à obtenir le corner. Kylian Mbappé qui est en jambe et Antoine Griezmann qui va le tirer. Il accélère. Mais l'Axalt s'est bien défendu là sur ce coup-là. Il a bien réagi après les premiers pas d'Mbappé. Et donc ce deuxième corner pour l'équipe de France, de ce côté c'est joué en deux temps avec Mbappé qui est sorti. C'était une des combinaisons évidemment pour faire sortir et étirer un petit peu la défense uruguayenne. C'est ce qui avait été évoqué notamment cette semaine à l'entraînement. Le ballon dans les pieds de Kanté dans le rond central avec Hernandez. Côté gauche maintenant, il va centrer peut-être, ou en tout cas donner ce ballon à Corentin Tolisso. Corentin Tolisso qui va centrer pied droit avec l'intervention défensive de la tête des Uruguayens. Ça revient sur les têtes françaises avec Paul Pogba. Le ballon qui ne touche pas le sol. Hein. Pour l'instant, on n'est que dans le duel aérien. Et là, premier ballon perdu un peu bêtement de N'Golo Kanté qui va le mettre directement en touche. Il a voulu jouer vite sur Lucas Hernandez. C'était pas suffisamment précis. Le ballon qui sort des limites du terrain toujours. 0-0, le suspense est total et c'est exactement le schéma que l'on attendait. 27 minutes de jeu, le combat continue entre la France et l'Uruguay. Et à tout de suite sur RTL. Club RTL Mondial 2018. Uruguay-France. Partagez toutes les émotions du foot avec Géant Casino et tentez de remporter 500 euros en cartes cadeaux et plein d'autres surprises. Rendez-vous dans votre magasin Géant Casino de plan de campagne avec le mot de passe Violette. Les prix bas, c'est Géant. Besoin d'un coup de main ? Non, merci, non. Le vieil arrosoir de mon papy fera très bien l'affaire, merci. Bien sûr, je comprends. Mais chez Monsieur Bricolage, on vous propose en exclusivité le dévidoir sur ou Gardena tout équipé avec 30 mètres de tuyaux à seulement 39,99€. 39,99€? Non. Et oui, et il est garanti 5 ans. Oh, bah alors ça, c'est un très bon tuyau. Ah. Eh, vous dites rien à mon papy, hein, promis ? Promis. Oh, merci. Jusqu'au 22 juillet, venez profiter de l'estival des prix Monsieur Bricolage. Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul. Alerte, forte chaleur, tous à votre bouteille de Saint-Yor. En buvant Saint-Yor quand il fait très chaud, vous faites le bon choix pour vous hydrater. Grâce à sa richesse exceptionnelle en minéraux, Saint-Yor est l'eau idéale pour votre corps pendant l'été. Avec Saint-Yor cet été, ça va fort, très fort. Christopher, toujours en tête de la course, mais que fait-il ? Il s'arrête dans un centre Best Drive. En ce moment chez Best Drive, recevez jusqu'à 100 euros pour l'achat de pneus Continental. Conditions sur bestdrive.fr. Prime Day, de retour le 16 juillet sur Amazon. Un jour et demi pour profiter de ventes flash incroyables. Tentez par un smartphone ou une valise, un barbecue, des produits de beauté ou une console, vous trouverez des milliers d'offres sur des marques comme Microsoft, GoPro et Lego, toutes réunies au même endroit. Ne manquez pas Prime Day sur Amazon. Du 16 juillet à midi jusqu'au 17 juillet à minuit, exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore membre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49 euros par an. Voir conditions sur Amazon.fr. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Quand ma fille m'a dit Maman, t'as vu, chez Carrefour, il y a la deuxième démarque des soldes avec jusqu'à moins 70% sur encore plus d'articles textiles. Moins 70%? Mais faut absolument qu'on y retourne. Résultat des courses? Telle mère, telle fille. Les as du shopping, c'est nous. Les soldes continuent chez Carrefour. En ce moment, il y a jusqu'à 70% de remise immédiate sur encore plus d'articles textiles. Carrefour. Remise appliquée sur les prix pratiqués avant le début des soldes, valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Magasins participants sur carrefour.fr. Éric Silvestro, Sylvain Charlet et Bertrand Latour. Uruguay, France. Club RTL, Mondial 2018. Le premier quart de finale de cette Coupe du Monde en Russie, 0-0, toujours après une demi-heure. Beaucoup de sifflets. Philippe Sanfourche, Nicolas Jean-Jean, quelque chose de spécial avant une salve de tweets? Non, avec ce ballon, attention, dans la phase de réparation qui passe devant tout le monde, devant Giroud, devant Tolisso. Il y avait également le défenseur uruguayen. Ce ballon arrivé de la droite, c'est Caceres maintenant qui repart à grandes enjambées. Les Français étaient simplement à l'attaque et le public uruguayen sifflait sur cette montée de balle. Mbappé l'avait légèrement touché, ce ballon. Juste quelques tweets avec Quentin Vasselin sur ce match. Je vous ai senti inquiet par rapport à l'arbitrage. Et ben Raymond Abou, dit le supporter, va vous rassurer. L'arbitre s'appelle Nestor. On n'a jamais été déçu par un Nestor. Nestor Fabry, Nestor Charlie Nestor et Nestor Burma. Donc voilà, Raymond nous rassure. Et sinon, Simone est satisfaite. Les honorables cravates avec qui j'étais en réunion ont tous fui à 15h50 pour cause de football. Donc vive la France, vive le foot et vive Mbappé. Visiblement, elle a choisi son chouchou. Tout le monde aime Kylian Mbappé sur son côté droit après sa brillante sortie contre l'Argentine. Mais là, c'est un autre match face à l'Uruguay. 0-0, une demi-heure de jeu. Philippe Sanfourche, Nicolas Jean-Jean. Mais heureusement qu'il est là quand même hein, pour créer des brèches, faire des accélérations, tenter des gestes techniques. Kylian Mbappé, malheureusement, il n'y a que lui pour l'instant. Donc c'est très prévisible. Et surtout, on a un Corentin Tolisso qui est paumé pour l'instant sur le terrain. Il fait un très mauvais match parce qu'il est dans un positionnement. Mais qui ne lui convient faute. Pas forcément et on l'oblige à faire le travail de Blaise Matuidi et pour en parler un petit peu crûment, il a le cul entre deux chaises, il ne sait jamais quoi faire, il se projette pas parce qu'il a peur de laisser des espaces dans son dos et en même temps il n'est pas suffisamment proche de Lucas Hernandez sur les phases de défense. Donc pour l'instant c'est le point très négatif de ce début de rencontre. Et même si c'est lui là qui récupère ce ballon, la transmission de N'Golo Kanté qui est interrompue par Nestor Pitana puisqu'il était sur la trajectoire de cette balle. Encore un beau duel avec Stuani à la lutte avec Hernandez. Est-ce qu'il y aura un ballon rendu aux Uruguayens sur ce contact entre le latéral et l'attaquant? C'est pas un cadeau Stuani hein. Il n'a pas le talent de Cavani, mais alors c'est un plus grand gabarit hein, déjà on est là sur le terrain. C'est pas un cadeau, mais c'est quand même moins dangereux que Cavani hein. Franchement je préfère l'avoir lui que évidemment Cavani, mais parce qu'il est quand même lent, il faut hein. se le coltiner. Oui. Ouais, il est lent mais il met des coups, il est très présent physiquement, il se bat sur tous les ballons. C'est un client quand même. C'est lui le point d'appui quand il joue pour cette Céleste, pour jouer un peu comme Olivier Giroud, pour jouer en déviation, c'est ce qu'il peut apporter, mais évidemment qu'il est dans l'ombre de cette paire Suarez-Cavani. Mais on le voit plus que Suarez hein, pour l'instant, pour le coup. Oui, et surtout il décroche un peu plus que Suarez, et surtout Suarez très surveillé, que ce soit par Varane ou par Umtiti, et qui ne peut jamais se retourner. C'est toujours clair. Un Français tout de suite. Hernandez, il va prendre un carton. Tirage de maillot, c'est grossier. Tirage de maillot sur Hernandez, il était battu donc il n'a pas voulu le laisser partir dans son dos. Il s'est un peu sacrifié, je pense qu'il devait le savoir qu'il allait prendre ce carton. Premier carton jaune de la partie. Est-ce qu'on remet les compteurs à zéro après les quarts de finale? Oui. C'est la méthode, non? Oui. Les cartons sont annulés après les quarts. Donc ça veut dire que la seule manière pour lui d'être suspendu, c'est d'être expulsé sur ce match-là. Tout à fait. Un joueur qui prend un carton en quart et en demi, il peut jouer la finale. En revanche, Giroud, Pavard, Pogba et Tolisso qui avaient déjà un jaune, s'ils en prennent un, eux sont suspendus pour la demi. Exactement. Alors on change de maillot pour quel joueur? Est-ce que c'est Torreira qui change de maillot, peut-être qui a été déchiré? Non, je pense que c'est Hernandez sur le tirage du maillot. C'est Hernandez, ce tirage. On change de maillot, alors une nouvelle tenue. Nathan Nandez, le joueur de Boca Junior. Donc coup franc à venir pour les Uruguayens. Alors on est très loin du but de Hugo Lloris, mais tous les Uruguayens sont à 25 mètres de la cage du portier. Un ballon dans la boîte et uniquement Kylian Mbappé aux avant-postes. Si ce ballon ressort très rapidement, finalement de la tête, c'est Jiménez qui prend ce ballon le premier et qui le fait sortir des limites du terrain. Donc Hugo Lloris va pouvoir dégager tout ça après 33 minutes déjà disputées dans cette première période. Pas encore d'occasion extrêmement nette d'un côté comme de l'autre. Combien de frappes d'ailleurs, les frappes cadrées, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Le compteur des Français est resté bloqué à 5, je vous en parlais tout à l'heure. Aucun tir cadré, deux tirs uruguayens, seulement un tir cadré. La possession est française, c'est du 60-40 et les Français réussissent 75% de leurs passes. Pour faire des différences, ce n'est pas encore assez suffisant. Match fermé, mais c'était attendu. Avec Pogba sur la ligne médiane, qui va essayer de lancer Kylian Mbappé à la course avec la tête. Mbappé qui va avoir le dessus, qui arrive à centrer. Poussera trop court. Ah dommage, il n'y a pas de Français. Il n'y a personne, que ce soit au point de pénalty, que ce soit au second poteau. Il avait fait la différence là, Kylian Mbappé. Attention, parce que ce ballon navigue et revient aux abords de la surface de réparation française. Mais c'est bien Varane qui est là pour intercepter. La différence qu'avait fait encore Kylian Mbappé là, il était en mode PlayStation. Mais il peut pas centrer le premier. Il peut que centrer parce qu'il est vraiment au bord de la ligne de touche. Donc le centre, il est parfait parce qu'en plus il passe devant tous les défenseurs et devant le gardien. Il faut simplement qu'il y ait quelqu'un qui centre le coup. Très belle passe en profondeur de Pogba d'ailleurs, pour Mbappé. Ouais. Et d'ailleurs, c'était au moment où on était en train de dire que les pourcentages de passes réussies n'étaient pas suffisamment bons, et c'était notamment à cause de Paul Pogba qu'on a beaucoup tenté vers l'avant et qu'on a beaucoup perdu, à l'instar d'Antoine Griezmann. Allez, là le duel encore une nouvelle fois entre Pogba et un Uruguayen, le ballon qui est stoppé avec ce coup franc, avec joué très rapidement Nandez, le centre destination de Stoigny, mais c'est Pavard qui met la tête. Attention, parce qu'il y a toujours les Uruguayens. Cette frappe est cadrée, mais il n'y a pas assez de puissance, et Hugo Lloris qui protégeait son premier poteau et qui peut s'emparer de cette balle avec Vecino, et donc dégagement d'Hugo Lloris sur ce ballon, cette frappe en pivot qui était dans la surface. Allez, attention, parce que là on a un petit peu abandonné le ballon aux Uruguayens. Tolisso qui la redonne à Kanté. À chaque fois que Tolisso touche un ballon, on a l'impression qu'il a peur de se brûler. Il faut qu'il rentre, mon gamin, faut y aller, c'est la Coupe du Monde là maintenant, faut rentrer dedans, t'es pas sur un match de fond de grille de Bundesliga dimanche après-midi. Là on se réveille et on y va dans la moulure. Ouais, et puis il est très axial, il se recentre beaucoup pour utiliser plus son pied droit. Mais donc on est plus dans un 4-3-3 que vraiment. Moi je vous dis, je pense que si le staff a autant hésité, c'est sur un plan personnel. Parce que au niveau du schéma, c'est presque une évidence, Tolisso. C'est-à-dire que Matuidi n'étant pas là, tu te dis c'est à Tolisso de prendre le relais. Ou alors tu fais vraiment le vrai 4-2-3-1 avec Lemar, où tu sais que tu as des certitudes. Parce que mais sinon Tolisso, c'était naturel. Le fait qu'il y ait eu cette hésitation jusqu'au dernier moment, c'est parce que Didier Deschamps ne sentait peut-être pas forcément Corentin Tolisso à 100% de ses capacités. Et pour l'instant, c'est malheureusement ce qu'on voit sur le terrain. Hernandez qui va donner ce ballon à Griezmann. La petite talonnette pour essayer de trouver Olivier Giroud aux abords de la surface, avec le jeu qui a été bien lu par les défenseurs uruguayens, et les Uruguayens qui essayent de lancer ce ballon très rapidement. Attention. Avec Stoigny et avec Caceres qui monte. Il y a un 2 contre 3, mais la remise était pas bonne pour la remise de Stoigny de la tête. Et l'arbitre qui avait laissé un petit peu jouer, il y avait à mon avis une faute de Mtiti qui était monté très haut. Et merci Stuani pour le contre complètement avorté avec cette balle directement mise en touche, alors qu'il y avait une vraie opportunité pour les Uruguayens. 0-0 après 37 minutes, courte pause et la fin de la première période entre l'Uruguay et la France. Club RTL Mondial 2018. Uruguay-France. Avec Winamax, site de paris sportif, parce que vous méritez les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Day de retour le 16 juillet sur Amazon. Un jour et demi pour profiter de ventes flash incroyables. Tenté par un smartphone ou une valise, un barbecue, des produits de beauté ou une console, vous trouverez des milliers d'offres sur des marques comme Microsoft, GoPro et Lego, toutes réunies au même endroit. Ne manquez pas Prime Day sur Amazon. Du 16 juillet à midi jusqu'au 17 juillet à minuit. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore membre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49€ par an. Voir conditions sur Amazon.fr. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Quand ma fille m'a dit « Maman, t'as vu, chez Carrefour, il y a la deuxième démarque des soldes avec jusqu'à moins 70% sur encore plus d'articles textiles. » Moins 70%? Mais faut absolument qu'on y retourne. Résultat des courses? Telle mère, telle fille. Les as du shopping, c'est nous. Les soldes continuent chez Carrefour. En ce moment, il y a jusqu'à 70% de remise immédiate sur encore plus d'articles textiles. Carrefour. Remise appliquée sur les prix pratiqués avant le début des soldes, valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Magasins participants sur carrefour.fr. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de profiter encore des soldes comme nulle part ailleurs. Aujourd'hui, c'est la nouvelle démarque des soldes chez Kiabi. Jusqu'à moins 70% sur toute la mode et toutes les tendances. Jusqu'à moins 70%, il est grand temps de se faire plaisir. Les soldes par Kiabi jusqu'au 7 août. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Sur article signalé, date selon décret, conditions, magasin et kiabi.com. Club RTL Mondial 2018. Éric Silvestro, Sylvain Charlet et Bertrand Latour. Uruguay, France. Et un bon coup franc à venir pour les Bleus et un premier carton jaune pour les Uruguayens, Philippe et Nicolas. Oui. Sur ce tacle là de Bentancourt sur Tolisso qui vient frapper le tibia de l'international français, carton jaune, et Bentancourt, si l'Uruguay est qualifié, eh bien ne jouera pas la demi-finale, avec maintenant Griezmann pour frapper ce coup franc à 25 mètres côté droit. Allez, faut en profiter. Ah, ça c'est un très très bon coup franc, probablement pas direct pour Antoine Griezmann, mais qui doit ajuster parfaitement son coup de pied gauche pour trouver une tête dans la surface de réparation. Raphaël Varane est monté, il y a évidemment Giroud et il y a Pogba, ça y est, Griezmann qui déclenche, c'est pour Varane, la tête, le but de Raphaël Varane, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal de Raphaël Varane, le héros malheureux il y a 4 ans face à l'Allemagne en quart de finale de Coupe du Monde. On lui avait reproché tellement longtemps d'avoir perdu son duel dans la surface face à Mats Hummels. Et bien là, c'est lui qui est allé plus haut que tout le monde, qui a coupé cette trajectoire et qui va trouver le coin droit de la case de Mousselera pour l'ouverture du score. Ça fait 1-0 pour l'équipe de France. En route pour Saint-Pétersbourg. Le ballon dans le petit filet. Ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas marqué en équipe de France. Raphaël Varane, c'était face au Brésil lors d'un amical. Qu'elle fait du bien au bleu, cette tête de Raphaël Varane. Le tempo est parfait. Mousselera est battu 1-0. Alors il y a Griezmann aussi qui fait une feinte, la défense est obligée de monter, mais il y a surtout la course croisée de Varane qui vient croiser dans la surface Silva. De réparation, ouais, Thiago Silva ou une Cavani dans l'axe si tu veux, et Bentancourt qui était au marquage au départ, il est complètement largué, il a peut-être encore en tête le fait qu'il va être suspendu pour une première demi-finale. Mais c'est Stuani, hein, c'est Stuani qui perd le duel. À la fin, c'est Stuani qui se fait couper devant par Varane, c'est quand pour le coup. Oh, et Mbappé, il peut prendre une tête de Varane parce que la tête elle est absolument superbe, mais c'est marrant quand même l'éclat d'œil du destin. Il y a 4 ans, c'est le héros malheureux du quart de finale contre les Allemands. Et là, en tout cas, en inscrivant le premier but contre une équipe qui joue beaucoup replacée, Varane nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Et sur la première période, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais ça vient quand même concrétiser une première période qui a été plutôt rassurante. Et à l'image de sa cadrée des Bleus. À l'image de sa Coupe du Monde, hein, qui est très réussie, à Raphaël Varane, il est vraiment très costaud depuis le début. Il y avait bien coup franc, il y avait bien carton jaune, Bruno, derrière. Oui, il y avait bien sur carton jaune qui amène pour le but. Ce vilain tag de Bentancourt. Et Bentancourt était le seul. Les enfants, parce que là, il reste quand même 4 minutes à jouer dans cette première période. Et il va falloir tenir parce que les Uruguayens sont à l'attaque et viennent d'obtenir un corner pour mettre la pression sur la cage du Goloris et essayer de revenir le plus vite possible, parce qu'on sait que psychologiquement, avant la mi-temps, ça peut faire mal. Torreira pour frapper ce corner, ce ballon qui va arriver au point de pénalty. Ouais, c'est Pavard qui met la tête pour dégager le camp français. Reprise, c'est cadré, mais ça finit dans les gants. C'est Vecino, me semble-t-il, et ça arrive dans les gants de Goloris qui va pouvoir dégager son camp et qui va attendre que tout le monde remonte un petit peu, se mette en position. Et là, c'est Pavard qui est servi. Bruno, vous disiez juste sur le coup franc qui a emmené le but français. Que Bentancourt était le seul Uruguayen pour l'instant à avoir été averti depuis le début de la compétition du côté de l'Uruguay. Il n'a pris qu'un seul carton jaune. C'est vrai. Oui. Et il manquera l'éventuelle demi-finale, mais pour l'instant, ce sont les Bleus. C'est un cliché, les Uruguayens jusqu'alors ne jouaient pas très dur. Ça défend intelligemment, ça défend bien, ça défend très bien. Pour l'instant, ce sont les Bleus qui sont qualifiés. Exactement. Pour l'éventuelle demi-finale. Tolisso avec ce ballon qui a failli arriver jusqu'à Olivier Giroud, mais il fait une belle bataille. Et ce ballon qui est récupéré par les Uruguayens. La poitrine là maintenant pour Stuani pour aussi lancer Caceres. Oh, il y a encore eu un sacré duel avec Kanté, mais ce sera encore un coup franc pour la sélection d'Oscar Tabarez. Il faut rendre à Tolisso ce qui lui appartient, parce que je l'ai un petit peu oublié tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est sur le coup franc qu'il provoque, parce que il est rentré un petit peu dans le jeu, il a dézoné, on va dire, il est revenu sur la droite du terrain pour apporter du soutien à ses coéquipiers, et sur un bon mouvement où il a fait la différence, il a provoqué la faute de Bentancourt qui ensuite amène ce coup franc qui permet à l'équipe de France de mener 1-0. Mais c'est loin d'être terminé, les amis, dans cette rencontre, parce que là il y a encore un coup franc dangereux pour la Céleste. Allez, coup franc pour l'Uruguay avec ce ballon qui arrive à 5-6 mètres. Oh, l'arrêt énorme du Goloris qui va chercher sur sa droite. Oh, quelle parade, quel manche enchaîne sur cette tête de Caceres, me semble-t-il, et avec la main ferme d'Hugo Lloris pour enlever ce ballon derrière. Énorme. Ce ballon n'est pas repris et ça passe au-dessus du but, mais il y avait deux joueurs uruguayens pour mettre cette tête, et derrière, et bien Hugo Lloris qui est ferme, qui est très bon sur ses appuis, qui se déploie sur sa droite, il faut aller la chercher au ras de son poteau. Quel arrêt. Et derrière, et bien Jiménez ou Godin qui est trop court pour reprendre cette balle, il met ce ballon au-dessus du but. Quel arrêt d'Hugo Lloris à ce moment-là du match, après l'ouverture du score et juste avant la mi-temps, aller sortir Hugo, cet arrêt Godin. Hugo Lloris, c'est lui le capitaine, c'est lui le patron derrière. Et je peux vous dire qu'hier Didier Deschamps, Godin il se trouve un peu quand même derrière. Godin il fait n'importe quoi, il met un ballon droppé là, tu sens que c'est un défenseur central hein, et que la dernière fois qu'il s'est retrouvé dans cette position là, c'était il y a 25 ans hein. En revanche, quel arrêt de Lloris, quel arrêt. On lui reprochait de ne pas être décisif dans la préparation, il est lui aussi en train de monter en puissance. Il a été sur le premier match, il a été sur le deuxième match dans mon souvenir. Il fait deux arrêts très importants au début de compète. Il y avait des doutes sur lui avant la compétition et au fur et à mesure il l'élève. Et c'est vrai que là, à deux minutes de la pause, 1-0 ou 1-1, c'est quand même pas tout à fait la même limonade. C'est très très important. Là, c'est un geste décisif. Mais bien sûr, c'est comme un but. Pareil. C'est comme un but. Et Godin, là, c'est vrai qu'il voit ce ballon arriver, il est à 2 mètres, mais il arrive à. Après, Lloris sort vite. Lloris lui bouge bien l'angle quand même. Oui, il est toujours sur l'action de Lloris. En fait, il est à quel moment il est dépassé sur ce deuxième ballon qui arrive. Allez, nouveau contact entre Caceres et Giroud, mais il n'y aura pas de souci. Tout joué, coup franc joué pour les Uruguayens avec ce ballon laissé. Touche finalement Caceres pour proposer une solution peut-être, et surtout les Français restent un petit peu au pressing. C'est notamment c'est fait par Giroud, par Tolisso. Ben Caceres, il va jouer avec Muslera. Il va donner ce malheur, on entend la Marseillaise lancée par les supporters français. Doucement. Qui sont du calme, massés derrière le but de Lloris. Pour une fois qu'ils chantent, c'est vrai qu'on a très peu de chants, donc autant entonner la Marseillaise. Deux minutes de temps additionnel. Allez. On est rentré depuis 15 secondes justement dans ce temps supplémentaire de cette première période, et encore une fois nouveau coup franc, donc on cède beaucoup là. Alors pour l'instant ils sont assez éloignés de la cage de Lloris, mais on a vu qu'ils étaient capables dans les airs eux aussi de faire des différences. Alors attention, parce que ça a amené une tête de Caceres et l'arrêt, on vous le racontait, d'Hugo Lloris. Ce nouveau coup franc, ça va arriver, ça va plonger également une tête uruguayenne, mais qui est contrée par une tête française. Du coup le ballon reste côté gauche, ça centre à nouveau, c'est Pogba qui met sa tête, qui dégage le camp français. Mbappé qui tente de partir à tout jambé, récupération Bentancourt, mais il était seul. Le ballon qui revient inlassablement avec Suarez, la remise, c'était pour une tête uruguayenne, finalement le dégagement un petit peu dans l'urgence de Olivier Giroud qui le met à l'opposé comme au rugby, le plus loin possible pour dégager le danger. Toujours le temps additionnel, encore une minute dans cette première période. La tête de Pavard, ça revient en permanence. Attention, Benjamin Pavard là face à Stouani, il va laisser ce ballon gentiment sortir et ce sera une touche à suivre pour les Bleus. Ils sont présents dans les duels aériens les Français. C'est la première fois que les Uruguayens se retrouvent dans ce schéma de jeu en compétition. C'est la première fois qu'ils se sont menés par un adversaire. Ils ont toujours ouvert le score, notamment en huitième de finale face au Portugal qui était revenu un partout avant de voir les Uruguayens s'imposer 2-1. Donc c'est un Uruguay qui va devoir s'adapter tactiquement et stratégiquement parlant. Nous avons revu quelques ralentis. Je vois Bruno Derrin qui fait un petit peu, qui se concentre sur les images. Heureusement que la VAR n'a pas été utilisée sur le coup franc précédent en faveur des Uruguayens. Oui, mais il y a autant de fautes de défenseurs que d'attaquants, je trouve. Oui, j'ai vu une très belle faute de Pogba sur Godin quand même. Oui, c'est vrai. Tant mieux. C'est injugeable. Cette surface. Duel aérien avec Suarez qui est servi à l'entrée de la surface. Il fait un dribble de dribble. Finalement, Antoine qui revient et qui donne à Antoine Griezmann. Ouais, il a encore eu du mal à récupérer ce ballon. Il y aura tout de même un coup franc et c'est la mi-temps, retour au vestiaire de l'équipe de France qui a peut-être, on le dit souvent, c'est un petit peu la bouteille à l'encre, mais 1-0 face à cette équipe là, oui, le plus dur est fait, maintenant il va falloir tenir, il va falloir continuer. L'équipe de France, elle n'a pas été géniale, elle n'a pas été flamboyante, mais elle a été ultra sérieuse, elle a été équilibrée, elle a été réaliste et elle a réussi à faire ce qu'elle avait essayé de faire, c'est-à-dire des attaques placées avec du mouvement, un petit peu plus, un petit peu trop sur le côté droit que sur le côté gauche de Tolisso, mais il y a eu des différences et globalement cet avantage il est mérité. Le but de Varane à la 40e qui permet aux Bleus d'être devant 1-0, premier but de l'équipe de France face à l'Uruguay depuis 1985. Pour l'instant il fait du bien, pour l'instant il envoie cette équipe de France en demi-finale. Et sur le seul tir cadré des Bleus, mais ça n'a aucune importance, Sylvain. Exactement, le seul tir cadré de l'équipe de France par Raphaël Varane, donc de la tête tout à l'heure. 58% de possession handball pour les Français, des Uruguayens qui se sont réveillés après l'ouverture du score des Français. Plusieurs opportunités, 4 tirs cadrés sur 7 tirs tentés, donc 42% de possession, et du déchet des deux côtés dans les passes, parce qu'on a vu, il y a beaucoup d'intensité, un seul carton jaune des deux côtés, Bentancourt qui sera suspendu pour une éventuelle demi-finale et Lucas Hernandez dans les rangs français. Philippe et Nicolas, une équipe française équilibrée, concentrée, appliquée, pas nerveuse pour l'instant, pas géniale vous l'avez dit, mais à l'arrivée, ça fait 1-0. Elle est à la hauteur de l'événement, cette équipe française. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, elle était arrivée en outsider face à l'Allemagne. Elle n'avait pas été outrageusement dominée. Mais à partir du moment où elle avait notamment pris ce but du Mulls, on avait senti derrière que les jeux étaient quasiment faits et qu'ils ne reviendraient pas, parce qu'elle elle manquait d'autorité. Et là, c'est le symbole, c'est l'image. Mais ce but de Raphaël Varane, il vient traduire tout ce qu'on a ressenti chez ce garçon depuis le début de la compétition, avec son style, c'est-à-dire sans parler trop fort, mais en étant juste, en ayant une attitude corporelle et intéressante. Raphaël Varane est un patron. Et depuis 4 ans, il y a eu 3 Ligues des Champions quand même, au passage, avec le Real Madrid. Hein. Oui, mais ça avait du mal à se traduire en équipe de France. Non, mais ça vous change en homme. Oui, mais voilà. Et là, on le sent. Il est arrivé après les autres, puisque par définition, il est revenu plus tard après cette victoire avec le Real. Et quand il est arrivé dans ce groupe, on a senti que le groupe était naturellement renforcé par un vrai cadre. Et comme Pogba aussi a pris de l'épaisseur, comme Matuidi a pris de l'épaisseur, l'équipe de France est plus forte. Bonne mi-temps, Philippe et Nicolas, de côté de Nijni Novgorod. C'est vrai que cette équipe de France n'a pas été bougée dans les duels, par exemple. Elle a répondu, elle est présente dans les duels. Elle n'a pas été mise en danger par cette équipe d'Uruguay. Non, effectivement, mais l'occasion que sort Loris après l'ouverture du score, je trouve que c'est la première partie. C'est en tout cas les 45 minutes que j'ai trouvé les plus intéressantes à suivre depuis le début de la compétition. J'ai aimé la maîtrise collective de cette équipe. Le reproche, le bémol, c'est qu'effectivement il y a un peu de systématisme à passer par Mbappé. C'est compréhensible parce que c'est notre point fort, et c'est vrai que Tolisso à gauche a un peu des difficultés à se placer. C'est lui qui emmène le coup franc. Mais il est plutôt qui emmène le but. Hein. Il est parti à droite. Il est plutôt sur le côté droit à ce moment-là. Non, c'est pour un quart de finale de Coupe du Monde. Effectivement, il n'y a pas énormément d'occasions, mais on le savait avant. Et il y a sans doute des situations qui méritent d'être mieux négociées. Et vu qu'on est devant, on va pouvoir peut-être un peu les piquer en contre. On a Mbappé, il y a d'autres cartouches sur le banc. Ah. C'est très rassurant, c'est bien ce qu'on a vu. Là, c'est un schéma idéal pour Parfait. L'équipe de France que l'on connaît depuis le début de la compétition par rapport à ce qu'on a dû faire face à l'Argentine. Déjà, les Uruguayens ont ouvert le jeu sur la fin de première mi-temps. Bon, les Français sont un peu recroquevillés parce que là, ils ont appuyé. En deuxième mi-temps, je pense que les Français vont souffrir des espaces. À la mi-temps, la France qui mène donc 1-0 face à l'Uruguay. Le but de Raphaël Varane, de la tête à la 40e sur un coup franc d'Antoine Griezmann. La France virtuellement en demi-finale de la Coupe du Monde. Courte pause, on ira du côté de Mâcon avec les supporters, avec Fred Perruche. Et nous retournerons également dans la fan zone de Noisy-le-Grand avec Vincent Serrano. Les Bleus sont devant pour l'instant. RTL Mondial 2018. Tous avec les Bleus. Intermarché vous propose d'écouter un prix coûtant. Mais pourquoi tu veux qu'on aille faire les courses avec deux voitures ? T'inquiète. Aujourd'hui et jusqu'à samedi seulement, le carburant est à prix coûtant chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Liste des magasins participants sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Christopher, toujours en tête de la course depuis 30 km, il maintient une cadence confortable loin devant le peloton. Mais que fait-il ? Il sort de sa trajectoire pour s'arrêter dans un centre Best Drive ? En ce moment, chez Best Drive, recevez jusqu'à 100 euros pour l'achat de pneus Continental. Conditions sur bestdrive.fr. Les artistes RTL, la compile avec Maître Gims et Vianney. Sting et Shaggy, Kimber Rose, Luan, Marc Lavoine, Tom Walker, Pink, David Guetta. Les artistes RTL, la bande-son de votre été. J'aime les plages désertes, me retrouver seul face à l'immensité de l'océan. Et partir en jet ski à fond dans les vagues. Alors les dauphins, on fait la course. Jusqu'au 18 juillet chez Chris, pour l'achat d'une paire de solaires d'un montant minimum de 60 euros, Chris vous offre la deuxième. Classique ou sportive, vous trouverez forcément les lunettes de soleil qui vont de pair avec vos envies. Chris, vous allez vous aimer. Chris, opticien officiel du Tour de France. Valable dans les magasins Chris et sur Chris.com sur une sélection de montures. Offre non cumulable avec des promotions en cours. Conditions en magasin ou sur Chris.com. Club RTL Mondial 2018. Éric Silvestro, Sylvain Charlet et Bertrand Latour. Uruguay, France. C'est la mi-temps à Nijni Novgorod entre l'Uruguay et la France, premier quart de finale de cette Coupe du Monde. Ce sont les Bleus qui mènent 1-0 depuis la 40e minute. Le but de Raphaël Varane de la tête sur un coup franc d'Antoine Griezmann. Direction Noisy-le-Grand, la fan zone qui doit être en fusion aux côtés de Vincent Serrano, tous les supporters qui se voient peut-être déjà en demi-finale, Vincent. Oui, ambiance de dingue, toujours messieurs, dans cette fan zone. On va retrouver au milieu justement de cette fan zone quatre supportrices ultra motivées, Mathéa. Le maquillage coule sur vos joues. Et vous donnez tout là. Ah ouais, là je donne tout, mon maquillage il coule, je transpire avec eux, je les encourage à fond. Quand il y a eu le but, j'étais comme une folle, c'était la folie ici et on croit en eux, on va gagner. Mélanie, c'est incroyable l'ambiance justement qu'il y a ici. Ouais, c'est incroyable, malgré la chaleur qu'il y a, il y a tout le monde qui est là, il y a tout le monde qui est présent pour eux. On a le maillot de l'équipe de France et puis on lâchera pas. Et puis tant qu'on finit pas cette Coupe du Monde, et ben on restera ici. On va aller au bout ? On va au bout, on va tout déchirer. Bon voilà messieurs, le stand des boissons est maintenant pris d'assaut. C'est bien le seul moment où les 3000 supporters de cette fan zone lèvent les yeux de l'écran, le quittent justement pour se rafraîchir un petit peu et être prêt à tout donner pour la seconde mi-temps. Vous avez le droit aussi Vincent de vous rafraîchir un petit peu parce que vous aussi vous vibrez pour les Bleus. Et avec ce reportage donc à Noisy-le-Grand dans la fan zone, direction maintenant Mâcon, la patrie d'Antoine Griezmann. Évidemment Antoine Griezmann, passeur décisif sur le but de la tête de Raphaël Varane. Fred Perruche, vous êtes là aussi avec des supporters qui n'ont Dieu que pour Grisou, j'imagine. Ah oui, et puis inutile de vous dire qu'ici on a exulté quand Griezmann a tiré ce coup franc et surtout qu'il l'a déposé sur la tête de Varane à la 40e minute avec ce but. Et depuis ce but et depuis cette 40e minute ici, c'est l'euphorie. Les gens sont en train de sortir sur les routes tout simplement. Des concerts de klaxons, toutes les voitures qui passent klaxonnent, les drapeaux s'agitent. Il y a à peu près 300 personnes sur ce bar du centre-ville en bordure du Saône. Il fait beau désormais et tout le monde a le sourire, vous l'imaginez. Tout le monde est confiant depuis que Griezmann a donné ce but magnifique à la 40e minute et à son collègue Varane. Eh bien, profitez Fred Perruche avec tous les supporters de Grisou. Nous allons aussi à Bondy, tiens, du côté de chez Kylian Mbappé. Il n'a pas marqué, mais il a fait quelques différences dans cette première mi-temps. Et là aussi, Mourad Djabari, j'imagine qu'on est très fiers de ce qu'a fait Kylian Mbappé depuis le début du match. Oui, très grosse ambiance d'ailleurs. Et regardez, je suis avec un attaquant de pointe. Je vais lui demander son prénom. Comment tu t'appelles ? Kylian. Et voilà, Kylian. Il a un homonyme ici, à l'AS Bondy. Alors Kylian, dis-moi, bon, c'est pas Mbappé, hein, on rassure tout le monde. Comment tu as trouvé le match de Kylian, le vrai ? Ben, bien, il avait de la finition, de la technique. Non, pas trop de finition. Il était technique, il avait de la vitesse. Il a fait un bon match. Avec son petit pont qu'il a mis là. Franchement, ça va. Tu penses que c'est lui qui va faire la différence ? Le deuxième but, il est pour Kylian ? Ouais, franchement, je pense. Mais si il arrête de faire des gris-gris, il tire, ça peut rentrer. En tout cas, les conditions sont exceptionnelles ici. Écran géant, grosse ambiance et merguez à volonté. Mais il n'y a plus beaucoup de voix, hein, j'ai l'impression, déjà chez les petits supporters. Il a déjà trop crié. Oui, sur tous les débordements de Kylian, ça y est, on se lève et on crie. Vous avez bien raison, Mourad, de profiter aussi de cette ambiance du côté de Bondy. Il faut qu'il arrête les gris-gris, a dit le petit supporter de Kylian Mbappé. Il n'en a pas trop fait en première mi-temps, il a été plutôt sobre. Tant qu'il dribble simplement, c'est parfait. Et pour l'instant, il fait des différences. Alors là, on a toute la joie de la France, un petit peu aux quatre coins de la France. On va aller du côté de Montevideo, retrouver Julien Fautra qui est là-bas depuis plusieurs jours, qui enchaîne les assados, les barbecues. Mais aujourd'hui, bonjour à tous. La ferveur, Julien, avec ce but de Varane, elle a dû un peu retomber à Montevideo. Alors, elle est un peu retombée pendant une ou deux minutes, mais alors après, c'était complètement reparti. Il y a la grande avenue, l'avenue du 18 juillet, ici, est complètement bloquée. C'est un peu comme si on bloquait les Champs-Élysées. Ici, c'est une ambiance de tribune. Il y a des bandas, il y a des pétards, ça crie beaucoup. Un petit froid, et vous savez qu'il fait froid ici, c'est l'hiver, un tout petit froid après le but en plus, mais c'est reparti et croyez-moi ici ça va crier très très fort au point de l'entendre jusqu'en Russie. Ah oui, entre 11 et 14 degrés seulement à Montevideo, c'est l'hiver et on va les refroidir encore plus les Uruguayens si jamais la France se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe du Monde. La France qui mène 1-0 depuis la 40e minute, le but de Varane de la tête, c'est la mi-temps. Sylvain. Petite stat concernant Varane, c'est le troisième but du sélectionneur en équipe de France et à chaque fois il a marqué de la tête et sachez qu'il entre dans la légende des défenseurs à avoir marqué en Coupe du Monde. Avant lui il y avait Pavard. Ouais, Thuram, Lizarazu. Blanc, Lizarazu, oui. Laurent Blanc, Amoros. Un peu plus loin dans le temps, oui, Amoros. Bossis. Ouais, il m'en manque deux. Deux encore Trésor. Exact, il m'en manque un. Latéral. Là, c'est le 4 à la suite. Hein. un petit hommage à Julien Lopez. Un peu plus dur, peut-être. Même génération que. Question pour un champion, attention. Christian Lopez. Ouais, j'avais pas. Christian Lopez. Etienne. Ouais, non, voilà pour les défenseurs qui ont marqué en Coupe du Monde. Ça réagit également sur les réseaux sociaux, Quentin. Oui, le compte Winamax Sport croit avoir une info. Griezmann annoncera dans quelques minutes dans le court-métrage La Decision Tout s'il félicite Varane ou réconforte son vieux pote Godin. Le symbole Varane, d'ailleurs, régale Yass. Hein. Il était au marquage du Mels en quart de finale 2014, qui nous a coûté la tête de la victoire allemande. Il remet les choses dans l'ordre aujourd'hui. Il est en voie de Sergio Ramotisation. Et enfin, une photo revient sur Twitter, celle de Laxalt, le valeureux arrière droit de la Céleste. Gauche, qui doit gérer Kylian Mbappé. Et donc, Berti a l'impression qu'il va passer une sale après-midi. Voilà pour vos réactions sur les réseaux sociaux. La France qui mène donc 1-0 à la mi-temps face à l'Uruguay. Le but de Raphaël Varane à la 40e, juste après la pub. Et les infos, le coup d'envoi et toute la seconde période de ce quart de finale de Coupe du Monde sur RTL, première radio de France. Club RTL, Mondial 2018. Uruguay, France. Tiens, encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. J'ai envie de fruits en ce moment. Qu'est-ce que vous avez à me proposer ? Ah, goûtez-moi ces cerises, Michel. C'est la saison et en plus, elles sont origine France. Bien croquantes, bien charnues, un délice. Eh oui, ce sont nos cerises rouges à la chair ferme. Et jusqu'à demain chez Carrefour Market, elles sont à seulement 4,49€ le kilo. Et ça, c'est idéal devant un bon match. Oh, mais c'est super comme programme, je vais faire comme vous. Carrefour Market. Calibre 26 et plus, catégorie 1. Magasin participant sur carrefour.fr. Intersport. Chloé, Intersport fait sa nouvelle démarque sur les vêtements et chaussures pendant les soldes. Et ça, ça me booste. Tu vois, quand j'entends solde sur Nike, Reebok, Fila, ça me donne envie d'aller courir. Cool. Et quand t'entends fourchette, cuillère et saladier, ça te donne pas envie de faire la vaisselle en courant, par hasard? De vrais soldes sur de vraies marques. En ce moment, chez Intersport, le troisième article soldé acheté est à 60% de réduction. Oui, moins 60%. C'est le moment d'en profiter. Intersport, le sport commence ici. Voir conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. Chérie, j'ai craqué. Comment ça? Oh, j'ai pas résisté, j'ai acheté un pot de yaourt. Et alors? Bah, il était si mignon, si glamour. À ce prix-là, 8 990€. Comment ça, 8 990€? Attends, j'ai peur, là. Non, mais je te parle du pot de yaourt. Oh, génial, tu t'es offert ta Fiat 500. Oui. Depuis le temps que t'en rêvais. En juillet, fêtez l'anniversaire 500. Et craquez-vous aussi pour son charme. Fiat 500 est à partir de 8 990€ seulement. Offre sous conditions de reprise, prime à la conversion gouvernementale et bonus éco-Fiat déduit jusqu'au 31 juillet sur Fiat 500 pop 1 litre 2. Détails sur Fiat.fr. Fiat. Bon après-midi et bel été avec RTL. Près d'un cambriolage sur trois a lieu pendant les vacances. Ne laissez pas vos vacances être gâchées, alors contactez Verisur pour protéger ce qui compte vraiment. Verisur, expert des alarmes avec protection 24h sur 24. Vous écoutez RTL et il est 17h. Les infos, Marie Mollet. Le policier qui a tiré sur le jeune Aboubakar mardi soir à Nantes a changé sa version des faits. En garde à vue, il ne parle plus de légitime défense, mais d'un tir accidentel. Le CRS explique qu'il est rentré dans la voiture du jeune homme pendant le contrôle routier, qu'une lutte s'est engagée entre les deux hommes. C'est là que le coup mortel serait parti tout seul. Et c'est une information signée RTL. La rougeole a fait un troisième mort en France cette année. Il s'agit d'une jeune fille de 17 ans décédée au CHU de Bordeaux après des complications neurologiques. La CGT cheminots appelle à une nouvelle journée de grève le 19 juillet. Réponse cinglante de la ministre des Transports. Cette grève ne sert à rien, la loi est promulguée, ce sont ces mots. Trafic perturbé aujourd'hui sur les rails également. 4 TGV et TER sur 5, 2 intercités sur 3. Et puis admis ou recalé, les résultats du bac sont presque tous tombés, sauf dans les académies de Rouen et des Antilles. Pour l'instant, meilleur taux de réussite, c'est dans l'académie de Strasbourg, 96%. Avec Winamax, site de paris sportif, parce que vous méritez les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Club RTL Mondial 2018. Éric Silvestro, Sylvain Charlet et Bertrand Latour. Uruguay, France. La France qui mène 1-0 après la première période. Le but de Raphaël Varane à la 40e sur coup franc. Passe décisive d'Antoine Griezmann. Cette tête coupée, décroisée qui va au fond. Début de Mustera, le gardien uruguayen. La France virtuellement donc en demi-finale de la Coupe du Monde. Ce n'est pas encore fait, loin de là. Mais quand même, notez cette date au cas où, le mardi 10 juillet à 20h à Saint-Pétersbourg pour l'éventuelle demi-finale des Bleus dans ce mondial. Ce serait une magnifique surprise au cœur de l'été. Le match qui va reprendre dans quelques secondes. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h avant une édition spéciale d'RTL Soir en cas de qualification des Bleus pour cette demi-finale de Coupe du Monde. Rendez-vous d'ores et déjà à 19h15 avec Bichente Lizarazu pour le débrief de cette rencontre. En cas de prolongation, nous poursuivrons bien sûr la retransmission de ce quart de finale de Coupe du Monde. Bruno Derrien, l'arbitre international, toujours à mes côtés, tout comme Bertrand Latour et Sylvain Charlet. Et Philippe Sanfourche et Nicolas Georgerot pour le coup d'envoi de la seconde période. Oui, c'est reparti de coup d'envoi avec d'ailleurs une première situation pour les Bleus, alors que Antoine Griezmann là conduisait cette balle, mais il a été repris par la défense uruguayenne, mais il était plein axe. Tu parlais bien de nos Bleus en fait, hein, c'est ça. Oui, tu as dit nos Bleus, mais comme ils jouent en blanc, j'étais un peu perturbé. Ouais, les Bleus sont les Uruguayens. Sur les Bleus. Quand il y a nos, c'est nous. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Je fais toujours confiance à Nicolas. Alors attention, ouais, bien revenir concentré sur ce retour des vestiaires, parce que là on a vu à la fois Kylian Mbappé sur le coup d'envoi perdre un ballon qui aurait pu profiter à Suarez, et dans la foulée récupération et vraiment possibilité de contre intéressante, et Antoine Griezmann qui lève la tête trop longtemps, qui pousse son ballon et qui se fait reprendre. Donc attention parce qu'il va falloir la même intensité. Ouais, faut pas se manquer. Seconde période, faut clair, pas se manquer sur l'entame, vraiment. Allez, vraiment. Mbappé, justement, qui accélère, qui repique dans l'axe, qui donne à Benjamin Pavard avec toujours Vecino aussi qui est là pour bloquer et qui fait faute sur le latéral droit de l'équipe de France. Et donc un coup franc à jouer pour l'équipe de Didier Deschamps, quasiment le long de la ligne de touche. On sera un petit peu plus de 40 mètres. Peut-être une situation à exploiter. On rappelle l'ouverture du score tout à l'heure en première période venue de Raphaël Varane, c'était consécutif. Un coup franc, il était venu couper la trajectoire. Les supporters français qui donnent de la voix derrière. Ils sont pas très nombreux, mais on les entend. Hein. Ils sont parce qu'ils sont près de nous. Pas du tout. Ah non, ils sont. On les entend vraiment bien. Alors. Mais simplement, ils sont bien rassemblés pour la première fois depuis le début de cette Coupe du Monde. Antoine Griezmann, le coup franc, point de pénalty, non, trop profond directement dans les gants de Mousselera. Il faut vraiment qu'il nous fasse un enchaînement, quelque chose qui le mette en confiance. Pour lancer cette partie, pour lancer cette Coupe du Monde, j'ai envie de dire Antoine Griezmann, parce que il est pris un petit peu par l'émotion. Bon, il a donné il va harceler Mousselera. D'ailleurs, il a contré le dégagement du gardien uruguayen. Il a piqué un sprint là sur le gardien de Galatasaray et qui a tardé un petit peu. Il a contré le dégagement. Ça. Un petit peu, le moins qu'on puisse dire. Mousselera là. Il était au café, lui. Hein. Il était resté. Il était au maté dans les vestiaires encore. Il est l'un des joueurs qui a touché le plus de ballons en première période avec Pavard et Hernandez. Hein. 43 pour Griezmann, 43 pour Hernandez, 47 pour Pavard. Vraiment un rôle de meneur de jeu, mais manquant un petit peu d'influence, si ce n'est qu'il a été influent au meilleur des moments. Ben oui, forcément, puisque si tu dis Griezmann touche 43 ballons, tu espères qu'il y en ait au moins 2 ou 3 qui fassent des différences nettes, claires et précises. Bon, attention avec ce ballon dans le dos de la défense, il fallait le pied de Varane là, pour écarter le danger. Ah, tu m'étonnes qu'il fallait le pied là. Suarez était parti dans le dos, et si tu le dégages pas ce ballon alors qu'il est en train de reculer, timing parfait pour mettre c'est le pied. Super geste défensif. Hein. Oh, patron, hashtag patron, ah c'est oui, Raphaël fait, Varane le boss. Super Coupe du Monde. Allez, là, c'est un long ballon de Pavard, loin devant. Là, les Français qui s'embarrassent pas trop, un peu comme les Uruguayens par moment, d'écarter le danger. Et il y avait ce ballon pour Giroud qui était bien loin de cette action. Mais en tout cas, Pavard, là, il s'est pas embarrassé. Il n'a pas remonté cette balle avec Tolisso qui a le ballon. Ne pas jouer trop bas, ne pas isoler Giroud seul devant, sinon il ne sert plus à rien. Il s'est remise. Il va s'époumoner à aller au combat aérien, à faire des courses, alors qu'il n'aura aucune possibilité de remise, même s'il gagne son duel. Il faut rester en bloc et un petit peu plus haut. Dégagement d'Hugo Lloris. Et c'est pour la tête de Griezmann, évidemment, logiquement devancé par Godin. Et là, tu sens qu'ils vont vouloir absolument aspirer les Uruguayens, parce que les 6 de derrière, les 4 défenseurs et les 2 milieux axiaux, je pense qu'ils ont pour consigne de ne pas trop se jeter en ce début de deuxième période. Ils sont bien hauts, donc Tolisso, magnifique. Très clair. Faute sur Tolisso, coup franc pour l'équipe de France. Varane qui va jouer ce coup franc, alors qu'il y avait une situation qui était assez intéressante à essayer de jouer en déviation. Varane dans le rond central et tarde un petit peu les Uruguayens qui s'agacent un peu, et finalement ils jouent court avec N'Golo Kanté. Forcément il va y avoir ce petit jeu du chat à la souris, plus on va avancer, mais enfin on est quand même qu'à la 49e minute, hein, donc on va pas jouer la montre, le timing dès maintenant. Attention au carton aussi, hein, pour ceux qui en ont un, hein, ils sont 4 dans ce cas. Allez, Mbappé pour Pavard, la touche rapidement jouée. Alors il a un marquage serré, Kylian Mbappé, et il va y avoir un nouveau coup franc sur lui. Alors là, il a essayé de gagner à peu près 25 mètres pour faire ce coup franc du centre du terrain, mais ça n'a pas du tout marché. Il est en train de lui signifier. Et nouveau coup franc. Monsieur Coutana, nouveau coup franc. Allez, Mbappé à la manœuvre de ce coup franc. Oui, et avec aussi, je regardais côté français, Rodriguez, il accélère son échauffement. Fekir, Zonzi et Sidibé à l'échauffement côté français. Coup franc frappé par Kylian Mbappé, assez proche de Mousquera qui sort, qui vient percuter peut-être Paul Pogba là sur ce ballon qui est arrivé assez rapidement. Il sort et Mousquera, est-ce qu'il a touché Paul Pogba? Mais il y a eu un bon contact quand même là à 6-7 mètres devant le but uruguayen. Cáceres également est resté à terre. Mousquera là qui devait absolument sortir hein, parce que Pogba avait pris le dessus sur Cáceres et il était prêt à reprendre ce ballon de la tête. La sortie autoritaire du point de Mousquera et la touche à suivre pour les Uruguayens, même si elle est contestée par les Français. Ouais, ouais, Hernandez là qui demande la balle. Ouais. Et donc ce sera bel et bien une touche récupère, ouais. Française là-bas, côté gauche. Et sortie légitime de Mousquera. Hein. Ouais. Et sur ce coup franc, j'ai le sentiment que le maillot de Pogba est tiré par Jiménez. Il reste un petit peu à terre, enfin pas à terre, mais on l'empêche de prendre son envol, effectivement. Ouais, il est retenu par le maillot, action. Par le défenseur uruguayen. Bon. Allez, les Français, surtout les Uruguayens qui jouent dans un petit périmètre, qui n'ont pas réussi à se dégager. Nouvelle touche pour les Français par Lucas Hernandez. Et Tolisso qui est venu. Allez, Giroud là, qui va essayer de centrer. Ça revient dans les pieds de Tolisso, finalement. Le ballon dégagé par les Uruguayens, mais comme ils n'ont personne devant, ça va être tranquillement que Raphaël Varane va remettre derrière jusqu'à Hugo Lloris qui dégage très longuement en changeant de côté sur la tête de la Schalke. Avec Kanté à la réception de ce ballon, Tolisso, on a eu Suarez qui a piqué ce sprint là pour comme si on se remettre un petit peu en jambe là pour revenir sur Hugo Lloris, alors que franchement pour le gardien français c'était pas trop. C'est bien Giroud ça à la tête pour Griezmann qui s'efface parce qu'il a vu que Kylian Mbappé arrivait à lancer l'entrée de la surface de réparation. Ballon qui revient encore une fois sur Olivier Giroud dans un tout petit périmètre. Ouais, il va réussir à gagner son duel. Griezmann qui écarte là-bas sur la gauche, la montée d'Hernandez, position de frappe. Non, décalage pour Mbappé. Mbappé qui peut se retourner dans la surface de réparation. Un dribble, deux dribbles, est-ce qu'il va passer? Ce sera corner. Oui, corner parce qu'il y avait la charnière centrale qui était là, et notamment Jiménez. Et ce ballon de Kylian Mbappé qui était dans la surface de réparation, ce ballon est contré, corner à venir pour l'équipe de France qui sera frappée par Antoine Griezmann. Très bien ce qu'a fait Griezmann. D'abord il était hors jeu, il a laissé le ballon, donc comme il était passif l'action s'est poursuivie, et ensuite très bon décalage pour Hernandez. Et les Bleus qui occupent le camp uruguayen, ouais, c'est bien, ils ne laissent pas se positionner pour les Uruguayens offensivement là ne montrent plus rien en début de cette période. Ouais, on sent qu'ils se cherchent tactiquement, la les pioche. Uruguayens. Ils ne veulent pas non plus se faire punir. Alors attention, c'est tiré ce corner. Ah non, c'était trop pour le premier poteau. Suarez s'est régalé. Pavard qui tente une reprise de 27-28 mètres. Bon, il est un petit peu dévissé, ça va partir derrière. Mais bon, c'est la confiance. C'est de la cadre, hein, c'est intéressant. Donc, oui, ça ne peut pas faire lucarne extérieure à chaque fois non plus. Et la raison. Et la raison. Et la raison. Ça fait toujours un 0 pour les Bleus après 52 minutes contre Allez. Pause. Et on revient, ça s'approche cette demi-finale. Mais c'est encore loin. Ah oui. Club RTL Mondial 2018. Uruguay-France. Prime Day de retour le 16 juillet sur Amazon. Un jour et demi pour profiter de ventes flash incroyables. Tentez par un smartphone ou une valise, un barbecue, des produits de beauté ou une console. Vous trouverez des milliers d'offres sur des marques comme Microsoft, GoPro et Lego, toutes réunies au même endroit. Ne manquez pas Prime Day sur Amazon. Du 16 juillet à midi jusqu'au 17 juillet à minuit. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore membre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49 euros par an. Voir conditions sur Amazon.fr. Il faut refaire toute la toiture avec l'étanchéité et agrandir le salon. Okay. Pour la fin de la semaine. D'ailleurs, vous travaillez bien en Ford Transit Courrier. Une bonne réputation se construit en Ford. Découvrez toute la gamme Ford Transit à partir de 99 euros par mois et bénéficiez d'une reprise de votre ancien utilitaire de plus de 10 ans, quelle que soit sa marque, jusqu'à 1500 euros en plus de l'Argus. Loyer hors taxe pour un transit courrier ambiant de 75 chevaux après apport de 1450 euros. LLD professionnel 24 mois 30 000 km jusqu'au 30 septembre. C'est acceptation par Bremen et Lise. Voir Ford.fr. Quelle équipe! Les Cerises sont en pleine confiance cette saison. Le clafoutis de Cerises a été élu recette du dernier match et l'équipe possède d'autres talents comme la Cerise Nature qui fait son entrée sur le terrain. Et c'est la saison. Avec les Cerises, partageons les plaisirs. Club RTL Mondial 2018. Éric Silvestro, Sylvain Charlet et Bertrand Latour. Uruguay, France. Tout se passe bien pour l'instant pour l'équipe de France qui mène 1-0 face à l'Uruguay. 55 minutes, Philippe Sanfourche, Nicolas Georgerot. Une équipe de France qui a l'air pour l'instant bien dans ses crampons et qui est bien dans son football. Et qui gère pour l'instant parfaitement ce quart de finale. Il y a une faute de Nandez sur Hernandez. et qui donne donc un coup franc pour l'équipe de France, le dégagement et le coup franc joué par Hugo Lloris pour trouver une nouvelle fois Olivier Giroud. On a déjà fait 10 minutes en deuxième période. Non mais mine de rien. Le cheminement se continue. Mais bon, il y aura encore des occasions pour les Uruguayens. C'est sûr. Mais pour les Français aussi, donc, Philippe. Bien entendu, mais il faut se mettre à l'abri si possible. Ah, vous savez de quoi vous parlez. Attention avec Nandez pour déborder ce centre. Centre à ras de terre, Umtiti. Oh, attention de ne pas se faire subtiliser la balle dans la surface de réparation. Ça joue un peu avec le feu. Avec maintenant Bettencourt qui va frapper. C'est pas cadré, c'est complètement dévissé. Mais Umtiti, là, qui avait récupéré cette balle derrière, il la perd. Et il y avait deux joueurs uruguayens. Mais dégage ce ballon, là. Il fait le Barcelonais, là. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais oh. une fois qu'il fait la bêtise, derrière, il s'arrache quand même. Hein. Il fait tout ce qu'il faut. Ah ouais, mais bon. Heureux, bah oui, heureusement. Non, mais heureusement, ouais. Mais strict minimum, là. Mais il y a une bêtise au départ, effectivement. Non, mais effectivement, après la bêtise, c'est. Et il y va bien. C'est le contrôle qui n'est pas très bien réussi hein, et qui ensuite les met à la difficulté. C'est que s'il envoie en tribune directement, il n'y a pas de problème. Il essaye aussi de conserver le ballon. Oui mais, le contrôle. Oui mais non. Non mais moi je voilà et je vois ce que tu veux dire mais là non. Derrière. Moi j'aime là, bien non. Moi j'aime bien les défenseurs qui essayent de ressortir contre moi. Moi aussi mais c'est un peu chaud quand même. Bah, là, le bon timing là, parce que le contrôle s'il est effectivement raté dans ces cas-là, ça devient tout de suite. Et là il peut ressortir proprement sur une passe, hein. Il n'est pas obligé de garder le ballon sur une passe, le ballon peut bien ressortir sans contrôle du pied droit pour un gaucher. Non, je te dis au sortir du contrôle, après il veut garder le ballon deux fois trois fois. Bah tu dégages alors. C'est ça le problème. Ouais bah oui, tu dégages, bien sûr tu dégages. Allez, N'Golo Kanté là qui apporte un petit peu de soutien. Ah, Paul Pogba il a voulu jouer vite devant, le ballon est contré. Ce sera une touche quand même en faveur de l'équipe de France avec Pavard qui va se saisir de ce ballon après une belle passe de Didier Deschamps du mocassin. La touche rapidement, je vais pour Giroud. Allez, contrôle de la poitrine pour Olivier Giroud, l'attaquant de Chelsea qui se débat au milieu de trois Uruguayens, mais cette fois les bleus, notamment Pavard. C'est donc qui sort, c'est donc pour la Céleste. On joue cette touche loin devant les Français qui récupèrent et sont en contact avec la tête de Pogba. Ballon au milieu du terrain avec Raphaël Varane. Duel face à Suarez. Il sera sanctionné. Raphaël Varane, coup franc à suivre pour les Uruguayens à l'entrée du camp de l'équipe de France. Oui, avec ce coup franc qui va être joué par Lucas Torreira. On vient s'appuyer sur le milieu de la Juve. Avec Bettencourt, ce ballon maintenant derrière pour Godin, le capitaine, l'âme de cette équipe, de cette Céleste, 32 ans, mais plus d'une centaine de sélections. Attention avec Suarez qui a ce ballon qui va donner et décaler à Bettencourt, avec ce ballon qui va arriver finalement côté droit, le centre à venir de Caceres, c'est tendu. Ah, Suarez n'a pas pu reprendre, il y avait également Stoani qui était au second poteau, c'était dangereux, il fallait dégager, c'est fait par l'équipe de France. Attention, il y a un temps fort pour l'Uruguay avec Caceres qui va tenter de mettre ce ballon devant. Bon retour de Corentin Tolisso. Ballon qui va sortir en touche, mais elle sera uruguayenne cette touche quasiment au niveau du poteau de corner, alors que les changements sont en train de se préparer sur le banc uruguayen. A priori deux changements en même temps hein, peut-être qui vont intervenir. Oui, avec notamment l'un des deux, ce sera Christian Rodriguez dans sa part. Attention, ce ballon qui est prolongé de la tête par les Uruguayens. Récupération Suarez, second poteau, il a toujours cette balle, il va centrer, c'est fait, ça va arriver, il faut que les Français dégagent de la tête notamment. Ça insiste avec Caceres, reprise, c'est pas cadré, complètement dévissé. Il dévisse, c'est bon signe ça, ça veut dire qu'il sait que les Français sortent très vite, qu'ils sont sur le porteur et qu'ils vont l'empêcher de tirer dans de bonnes conditions. Donc effectivement, les changements qui vont intervenir avec Cavani, Christian Rodriguez Cavani ou pas, et avec Guignan, Maximiliano Gomez. Non, allez. Mais Cavani, je crois qu'il faut... Il faut être très clair, il faut le rappeler à nos auditeurs, il y a eu un coup de bluff organisé, ou plutôt qui n'a pas été... Ils n'ont pas fait en sorte de mettre fin au feuilleton qui est né des multiples interrogations, des examens médicaux concernant Edinson Cavani. Mais manifestement, dès la fin du match face au Portugal et dès les premiers examens cliniques, il était très clair et net dans la sélection uruguayenne. Cavani non seulement ne pourrait pas être titulaire dans cette rencontre, mais est quasiment incapable de pouvoir jouer une minute sans prendre le risque de se blesser beaucoup plus lourdement et quasiment immédiatement. Donc on ne verra pas Cavani aujourd'hui à Nijni Novgorod. Je vous mets mon billet. Surtout qu'en plus, ouais, tu remplaces Tuani par Gomez, qui sont les deux joueurs qui sont les troisième et quatrième attaquants axiaux de cette sélection uruguayenne. Donc il faudrait par exemple que les Français soient encore devant à 10 minutes de la fin et que Cavani fasse allez j'y vais, quitte à me blesser définitivement, je termine et on sait jamais. Mais j'y crois pas du tout, je suis comme toi. Deux trois coups de fil du PSG, t'y vas pas. Avec, on est bien d'accord. 1-0 toujours. Un deuxième but français pour éviter que cette situation n'arrive et que Cavani soit blessé pendant 6 mois. 1-0 pour les Bleus, en tout cas à l'heure de jeu. Deux remplacements uruguayens qui peinent, hein, tout de même. Les Uruguayens se montraient vraiment dangereux. Et tu le soulignais, la sortie de Bettencourt, c'est bien. Hein, si c'est une heure de jeu. Français, il avait un carton jaune, peut-être que Tavares craint un souci, mais c'est un maillon fort de cette équipe. Et le voir, je préfère le voir sur le banc que sur la pelouse. Et une charge assez violente d'ailleurs de Nandez sur Tolisso qui échappe encore une fois à l'arbitre. Là d'ailleurs ça se fait un petit peu entre Mbappé. Ah, monsieur Pitana qui vient dire à Kylian Mbappé attention parce qu'il ne faut pas peut-être chambrer ou quoi que ce soit. Il y a eu quelques mots avec Suarez. Monsieur Pitana est venu voir Kylian Mbappé. Qui va faire pourtant j'ai un livre. J'ai rien fait. On suit très bien le naïf. On va profiter. Il est assez fort là-dedans. Il est j'aime beaucoup de rien. Ah, moi je suis sur le terrain, moi j'ai rien fait. Pour le derrière. Allez, demi-heure à jouer. C'est l'équipe de France qui est devant 1-0. Il n'a pas sifflé coup franc, il a repris par une balle à terre. 1-0 pour les Bleus à l'heure de jeu. Courte pause, on revient à Nizhny Novgorod. Club RTL Mondial 2018. Uruguay-France. Conforama, le confort pour tous. Quand on propose jusqu'à moins 50% sur la literie et le textile literie, on pense à tous ceux qui exigent un sommeil de qualité. Et à vous, qui cherchez toujours le meilleur prix. Conforama. Jusqu'au 30 juillet, conditions en magasin et sur conforama.fr. Et vous, qu'avez-vous prévu pour cet été ? Refaire votre cuisine ? Partir en vacances ? Acheter une nouvelle télé ? Quel que soit votre projet, jusqu'au 22 août, profitez du prêt perso Sofinco à partir de 2,99% dès 12 000 euros de 25 à 48 mois. Smart, non ? Contactez-nous au 3005. Taux annuel effectif global fixe 2,99% pour 12 000 euros sur 48 mois pour 265,35 euros par mois. Montant total dû 12 736,80 euros. Offre soumise à condition au 3005 ou sur sofinco.fr sous réserve d'acceptation par Sofinco marque CA Consumer Finance Prêteur. Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Éric Silvestro, Sylvain Charlet et Bertrand Latour. Oh de France, le break est fait, la cagade de Mousselera sur cette frappe sèche, tendue, propre d'Antoine Griezmann. Mousselera n'est pas bien sur ses appuis mais ses deux mains devant en opposition et comme un volleyeur, il se met ce ballon dans sa cage, il sera totalement pour offrir le but du break à Antoine Griezmann qui n'a pas célébrer ce but. Oui, son 23e but en équipe de France, son 3e dans cette Coupe du Monde, le premier dans le jeu, cette frappe sèche, c'est vrai, légèrement flottante, mais surtout Mousselera qui n'est pas bien sur ses appuis, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire et qui n'arrive pas à dégager comme il faut. 2-0, oh, la demi-finale qui se rapproche pour l'équipe de France à moins d'une demi-heure. Oh, le harakiri là, le harakiri du gardien uruguayen. Mais t'as pas le droit. Mais non, t'as pas le droit. Ça arrive. Hein. Ça arrive là, tant mieux pour les Bleus. En finale de Ligue des Champions, t'as pas le droit non plus. Et Karius, il a fait des cagades similaires. Donc là, il y a un nouveau décret dans l'accélération des buts. Maintenant, quand t'as des potes dans l'équipe d'en face, en quart de finale de Ligue des Champions, Coupe du Monde, tu célèbres pas non plus. Pourquoi pas. Il célèbrera en demi-finale. Tu as l'impression qu'avant il a porté le maillot de l'Uruguay dans une autre vie, tu sais. Attention, corner pour l'Uruguay avec ce ballon par Torreira qui arrive second poteau, la tête de Caceres mais qui est bel et bien touché aussi par un Français, donc nouveau corner et cette fois de l'autre côté Torreira qui va traverser le terrain pour frapper ce nouveau corner. Il se dépêche un peu plus évidemment les Uruguayens, ils sont menés 2-0 pour l'instant, c'est l'équipe de France qui est en demi-finale. Allez, à 27 minutes de la fin de cette partie. Il faut être solide parce qu'il reste quand même une demi-heure avec le temps additionnel dans cette rencontre. C'est bien craintif, ils n'ont rien montré. Oui, mais sur coup de pied arrêté, attention, parce qu'on a vu quand même que contre l'Argentine, même quand tu domines outrageusement les débats, ça frappe justement là au ras du poteau. C'est Hugo Lloris sur son côté droit qui avait bien bouché l'angle. Je pense qu'il n'était pas battu, mais quand même, à la réception du ballon, il faut être un petit peu plus présent. Corentin Tolisso s'est arraché, il a quand même empêché Christian Rodriguez de prendre ce ballon dans de meilleures conditions et de cadrer cette frappe. Un tir cadré pour les Français en deuxième période, comme en première. Ça fait but. C'est le troisième tir des Uruguayens, mais on ne trouve toujours pas le cadre. En deuxième période. Troisième tir en deuxième période. Une équipe de tueurs, cette équipe de France. Le réalisme et la lucidité. Allez, attention, il faut bien veiller là, notamment Samuel Umtiti. C'était bien fait là sur ce ballon avec Gomez, mais il n'y a pas de faute. Hein, c'est fait sur Samuel Umtiti. Gomez qui récupère la balle, c'est Griezmann qui vient mettre un petit peu un coup d'épaule là sur Gomez, il lui dit un petit mot aussi au passage, mais là cette fois le leader offensif de l'équipe de France qui a fait preuve d'autorité. Il a du mal, il ne veut plus toucher le ballon là, il va se replacer. Je pense que c'est le coup simplement, il faut le temps que ça passe, mais il ne faut pas qu'il soit sollicité dans les poignées de secondes qui reviennent. Giroud qui oriente de la poitrine pour Griezmann qui a retrouvé les ailes avec ce but et la montée de Pavard. Ça fait mal. Et on l'a pas souligné, mais sur le but de Griezmann, ça part d'une une récupération de balle de Pogba qui fait un très très gros match. Exact. Et ensuite, il y a Tolisso qui décale Griezmann. La paire Pogba-Kanté, là, c'est très très solide. Pogba, très très gros match aussi. Parce que Pogba... l'agacement du banc français, et notamment de Didier Deschamps, qui parle en ce moment à l'arbitre, au quatrième arbitre, parce que il y avait une faute assez sévère sur Pavard. Monsieur Pitana, dans un premier temps, n'a rien dit. Il a fini par siffler. Mais Didier Deschamps, notamment, qui fait signe un peu à tout le corps arbitral. Faut faire un peu attention sur les contacts. Ouais, c'est une faute de Torreira, un tacle pied en avant sur Pavard qui aurait pu être averti. Et c'est la première fois. Pogba pour frapper ce coup franc. Les Français qui se dirigent là. D'ailleurs, Pogba qui demande à Tolisso de se rapprocher de cette surface de réparation, mais c'est de trouver la tête d'Olivier Giroud qui était un petit peu esselé. C'est les Giroudiens qui se dégagent. Avec ce ballon en pivot redonné par Gomez sur le côté droit. Finalement, il ne joue pas le ballon intelligemment, Suarez, pour ne pas être hors jeu, parce qu'il savait qu'il était au départ du ballon, donc il l'a laissé passer et c'est bien vu. Puisque derrière, Rodriguez a pu le récupérer. Ils se projettent tous en attaque, là, les Uruguayens, avec un centre à venir, peut-être, qui va arriver sur notamment Gomez, qui s'en mêle un peu les pinceaux. Il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait comme geste pour notamment armer et frapper. Il y avait également deux, trois autres joueurs uruguayens dans cette surface. Récupération toujours pour les hommes de Tabarez. Attention, Kylian Mbappé, il faut aussi défendre sur le côté droit parce qu'il y avait la montée de la chaise dans son dos et j'ai eu la crainte que s'il soit servi, il ait un boulevard puisque Pavard est en train de serrer dans l'axe. Finalement, récupération avec Griezmann qui va trouver Pogba. Pogba qui temporise un petit tour sur lui-même et qui sert Benjamin Pavard qui a du champ là côté droit qui va trouver Mbappé. Oui, dans la gestion c'est bien ça de la part des Français. Pavard pour Mbappé. Mbappé qui donne derrière à Pogba et il a pris un coup encore une nouvelle fois. Il se plaint Kylian Mbappé, les Uruguayens qui font signe, faut se lever, faut pas simuler. Monsieur Pitana là, qui arrête. Il y a Diego Godin qui vient voir Kylian Mbappé et tout le banc français qui s'est levé, les Français qui viennent aussi autour parce qu'on a touché Kylian Mbappé, notamment Godin, pour lui dire arrête de simuler, élève-toi. Il y a eu un contact à 27 calme les Uruguayens là-haut. Alors, il y a remplaçants français sont debout autour de l'arbitre assistant qui leur fait signe d'aller s'asseoir et Didier Deschamps aussi leur dit de retourner sur le banc, de ne pas s'énerver et de pas s'agacer. Oh, Mbappé, les Uruguayens, Mbappé est énervé. Il y a un très mauvais geste de Godin, mais au départ on verra, Bruno, on attend les ralentis, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même Mbappé en rajoute énormément. Et après, quand il est par terre, c'est Godin qui vient le secouer là de manière scandaleuse pour le coup. Au départ, c'est un petit contact avec Christian Rodriguez. Oui, je pense très énervé. Didier Deschamps est en train de lui parler. Il va le sortir. Kylian Mbappé, il lui a mis la main sur la nuque. Raphaël Varane également vient voir Kylian Mbappé. Ils sont mis. Bon, alors maintenant c'est l'arbitre qui le convoque, donc il est obligé d'y aller. Kylian Mbappé, pas tombé dans les travers. Je pense que l'arbitre va demander l'utilisation du VAR quand même pour voir ce qui s'est pas produit. Il est bien Varane là-dessus. Varane, il lui parle beaucoup. Varane lui parle là, il se comporte comme un leader. Il faut qu'il se calme, Kylian Mbappé. Voilà, il y a Nandez qui a essayé de mettre un coup de tête dans la poitrine de Pogba. Varane, c'est aussi Varane qui s'énerve. Varane s'est calmé, Pogba. Deschamps est rentré sur le terrain quasiment pour arrêter ses joueurs. Pogba, il faut qu'il garde leur nerf. Ils mènent 2-0, les Français. C'est pas eux de s'énerver. Ça va. Et Tolisso qui est en train de dire à Pogba calme-toi, ça sert à rien. Non, mais il y a un moment donné, tu peux pas non plus te laisser marcher dessus. Non, mais d'accord, mais reste dans les règles. Pogba quand il prend son adversaire de la tête et qu'il lui tire la tête, il prend un risque. Carton jaune Mbappé, carton jaune à Rodriguez. Mbappé, l'arbitre estime que Mbappé a simulé une faute et ensuite il doit voir. Il était très énervé quand il s'est relevé et monsieur Pitana a peut-être pas apprécié cette. Il en avait rajouté des tas. Il est logiquement averti. C'est vrai qu'il y a un petit contact avec sa main Rodriguez, mais il n'y a aucune violence dans ce geste de Rodriguez et Mbappé en fait des tonnes et des caisses. Donc je pense que la décision de l'arbitre elle est bonne. Alors deux chiffres concernant Griezmann, il devient l'égal de Juste Fontaine et de Zinedine Zidane, 7e but dans une phase à élimination directe. C'est dire que ce soir avec un but, une passe, il marque encore des points. C'est mieux que Platini avec 5 buts dans cette phase à élimination directe. 2-0 pour l'équipe de France après cet échauffourée. Il reste 22 minutes dans le temps réglementaire. La France quasiment en demi-finale, mais ce n'est pas fait. Courte pause en route. Club RTL Mondial 2018. Uruguay, France. Poivre vert intense, cherche filet de canard avec un grain de folie prêt à passer sur le grill. Rendez-vous chez Grand Frais. Justement, jusqu'au 7 juillet, le filet de canard à griller Origine France est à 14,99€ le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Magasin participant sur grandfrais.com. Qui a bien, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de profiter encore des soldes comme nulle part ailleurs. Aujourd'hui, c'est la nouvelle démarque des soldes chez Kiabi. Jusqu'à moins 70% sur toute la mode et toutes les tendances. Jusqu'à moins 70%, il est grand temps de se faire plaisir. Les soldes par Kiabi jusqu'au 7 août. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Sur article signalé, date selon décret, conditions, magasin et kiabi.com. Nous vous l'avions annoncé, la voilà, la deuxième démarque des soldes chez Géant. Encore une journée de folie avec la seconde démarque sur les soldes d'été. Des petits prix par ici, des mini prix par là. Bref, vous allez craquer comme moi dans votre Géant, j'en suis sûr. Bon, je remplis mon quatrième chariot et je décolle. Ah, ça aussi c'est en solde ? Les prix bas, c'est Géant ! Date des soldes selon décret sur article signalé. Décathlon, c'est aussi la joie. Des sports d'été, des virées en kayak, des randos ensoleillés, de prendre la vague parfaite, de se sentir libre, de se lancer en VTT dans une forêt ombragée, de pouvoir... Ah oui, ça, on adore. En ce moment, profitez des bons plans chez Décathlon. On adore les réductions jusqu'à moins 60%. Rendez-vous chez Décathlon. Avec Auchan, les bons plans s'invitent chez vous. Oui, matelot, on met le cap sur Auchan. Je sens que la pêche va être bonne. Ça, c'est sûr. Parce que jusqu'à demain, dans les magasins Auchan et Simply Market ayant un rayon marée, la queue de lotte est à 10,99€ le kilo. Oui, oui, seulement 10,99€ le kilo. Seulement 10,99€ le kilo de queue de lotte ? C'est ce qu'on appelle avoir le vent en poupe. Avec Auchan, c'est toujours la saison des bons plans. Pièce de 500 grammes minimum pêchée en Atlantique Nord-Est. J'adore me promener au parc, admirer les statues, me laisser bercer par la culture. Et foncer à la montagne pour une petite rando de 5 heures. Allez, le dernier refuge est un bouquetin. Jusqu'au 18 juillet chez Chris, pour l'achat d'une paire de solaires d'un montant minimum de 60€, Chris vous offre la deuxième. Urbaine ou sportive, vous trouverez forcément les lunettes de soleil qui vont de pair avec vos envies. Chris, vous allez vous aimer. Chris, opticien officiel du Tour de France. Valable dans les magasins Chris et sur Chris.com sur une sélection de montures. Offre non cumulable avec des promotions en cours, conditions en magasin ou sur Chris.com. Club RTL Mondial 2018. Éric Silvestro, Sylvain Charlet et Bertrand Latour. Oh, Uruguay, France. Ah, oh, ça se bat en studio sur le retour d'Antoine Griezmann. Bon. Griezmann ne fait pas un bon match selon Bertrand Latour. Une alors ça, cible, un but, on aura tout entendu. Quand même. On en débattra plus tard avec Bichette. Et Sylvain, on en débattra plus tard avec Bichette Tézard. D'abord, il y a une demi-finale incroyable à aller chercher avec Philippe Sanfour chez Nicolas Jorgero. 2-0 pour les Bleus. Vous lui direz, ouais, Griezmann, hein, fait pas un bon match. 18 minutes. Bon, et la France sur la route d'une sixième demi-finale avec les Bleus en attaque. Tolisso, avec Tolisso, Tolisso face à Mousserra. Oh, c'est au-dessus de la barre transversale. Elle a essayé d'enrouler cette frappe. Mousserra était quand même, me semble-t-il, sur la trajectoire. Mais le jeu s'est un petit peu ouvert devant lui. Avec notamment un appel dans la surface de réparation. Il avait senti le coup là, Tolisso. Mais cette frappe qui lui échappe un petit peu et qui passe entre 60-70 cm au-dessus de la barre transversale. Et c'est donc officiel, Edinson Cavani ne disputera pas une minute dans cette rencontre puisque à part s'il y a prolongation. Ah. Oui, c'est vrai. Et comment on prolonge, ça change. Là, il y a des années quand même d'habitude qu'il va falloir changer. Exactement. On ne te lâche pas, Philippe. Je te marque à la culotte. C'est pas eu de changement côté bleu. Non. Si, il y a Griezmann qui a fait son entrée en jeu juste pour le but. J'adore. Non mais les messieurs au stade, vous le trouvez bon pour Griezmann? Vous trouvez qu'il fait un bon match? Il peut faire beaucoup mieux que ça. Merci. Mais il est quand même décisif. Bah voilà. Et qu'est-ce que t'attends d'un attaquant? Et qu'est-ce que t'attends d'un attaquant? Il est décisif, ça j'ai remarqué. Le mec a pas vu le match, il voit Griezmann passe décisif, un but, ça il l'a vu. Mais après, il y a pas que ça dans un match. Il y a quand même ce que tu fais. Bien sûr, mais ça compte beaucoup. Le dernier joueur qui a mis un but, une passe en quart de finale de Coupe du Monde dans un match à élimination directe, c'est Vieira en 2006. Dans quoi il a du déchet? Ouais, il a 75% de passes réussies sur la première période, mais au final, c'est le patron de ce match. Alors, et ton Mbappé, il a disparu de la circulation. Il a été une demi-heure. Sylvain, je vais faire ce que tu fais d'habitude. Ouais. Le match d'abord, voilà, les gars. Exactement. Le match. Tu as raison. Exactement. Recadre. Allez, 73 minutes 2-0 pour les Bleus. Le match d'abord, les débats, on a jusqu'à 23h pour exactement les Bleus. Allez, des minutes qui s'égrènent, 16 encore. C'est l'Uruguay qui est à l'attaque, qui centre. Et ce ballon qui arrive tout proche de Gomez. Mais il y avait aussi Pogba qui était au duel. Et là c'est Griezmann qui sort le camp français. Il a essayé d'alerter Giroud et notamment Tolisso. Tolisso qui a une bonne attitude là, de dire à tout le monde de remonter le bloc pour revenir. Et là c'est l'illustration parfaite du match de Griezmann sur cette sortie de balle, parce qu'en fait il est positionné au bon endroit, il se bagarre défensivement au bon moment, il récupère le ballon, il remet dans le sens de la marche et il fait la passe vers l'avant, sauf que, écoute-moi jusqu'au bout, la passe vers l'avant, elle n'est pas millimétrée et du coup le ballon il est perdu. Si t'as l'excellent Griezmann, la dernière passe vers l'avant, elle est millimétrée. Donc son match, il n'est pas d'accord avec nous. Stop les débats sur Griezmann. On parle du match. Voilà, après on aura tout le temps de débattre qui est l'homme du match. Fou, toi. C'est vrai, mais là on est sur la ligne médiane. Donc bon, ça on va. Peut se permettre de prendre. Très bon ballon de Griezmann d'ailleurs sur la gauche. Ah bien ouais. C'est à 5 mètres, c'était bien. Mais ouais, mais passe sans danger, passe latéral. De toute façon, à 5 quarts d'heure, on est qualifié pour les demi-finales des Coupes du Monde. Mine de rien. L'objectif annoncé par Noël Le Graët est quasiment rempli. C'est pas fait, les gars. Les gars, c'est pas fait. C'est pas fait. Non, c'est pas terminé. Ne prenons pas de but. Mais tu les sens quand même de plus en plus. Ouais, Oh, la bonne déviation là par Giroud. Griezmann qui n'a pas enchaîné en rentrant dans la surface de réparation. Il contrôle, il donne ce ballon derrière à Pavard avec Pogba, les Français qui campent à 40, 50 mètres du but de Mousquera et des Uruguayens. Avec Tolisso maintenant dans l'axe qui décale Hernandez. Peut-être un centre à venir de la part du latéral de l'Atlético. Il y a du mieux dans le jeu de Tolisso, notamment dans les transmissions. Hernandez qui va rentrer dans la surface. Il cherche l'appui avec Mbappé. C'était un peu téléphoné, mais il a droit à une deuxième chance. Mbappé, est-ce qu'il peut se retourner? Oui. Une fois, deux fois, le dribble. Oh, s'il passe, ça c'était bon finalement. Giroud en pivot qui frappe, elle est dévissée. Ça va passer à côté de la cage de Mousquera. Frappe du gauche qui est topée, qu'il a pris de l'extérieur. Elle a fait comme une petite cloche, mais évidemment sans danger pour Fernando Mousquera, puisque ce ballon sort et c'est un dégagement. L'enchaînement d'Mbappé quand même là dans la surface. Déjà le contrôle, parce que là, on eut une passe à 2000 à l'heure. Et derrière, c'est surtout le moment où il se retourne. Oh là. C'est ça qui fait mieux que les autres et plus rapidement. C'est qu'il se retourne et derrière, il a tout de suite l'énergie pour, sur le premier compte, sur le premier appui, faire une différence. Et c'est ça qui met le défenseur à l'agonie. Au centre, avec ce ballon peut-être pour la tête de Suarez ou en tout cas de Gomez. Les Uruguayens à l'attaque, ils sont 4 dans la surface de réparation. C'est bien fait ça par les Français, notamment par Hernandez, pour venir couper le couloir et notamment tenter. Ils sont intelligents parce qu'ils maîtrisent maintenant, ils maîtrisent le tempo surtout, les Français. Et ils ont ce ballon. Alors il faut faire attention aussi de ne pas le perdre là, à 50 mètres. Mais ça va être fait. Et ce ballon qui sort, en revanche, c'est une touche. J'aimerais bien que Deschamps fasse rentrer, fasse souffler les joueurs qui peuvent être suspendus en cas de carton jaune. Donc, il y en a quelques-uns, Giroud, on rappelle, Pogba. Mais au moins Pogba. Je pense que Pogba, ce serait bien. Un bon Nzonzi, en plus on gagne 2-0, donc c'est pas bien grave. Voilà. Puis au moins, lui, il est solide et il a jamais donner des signes de fébrilité en équipe de France. Et à cette 14 minutes plus au traditionnel, allez, à 10 minutes de la fin. Mais même Giroud, ce sont les trois mêmes qui sont à l'échauffement. C'est Fekir, c'est Sidibé et c'est Zonzi. Ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure. Il y a déjà une bonne vingtaine de minutes. Voilà, et puis un petit Dembélé aussi peut-être pour exploiter les contres au cas où. Exactement. Il y en aura une petite à se mettre sous la dent avec la touche encore une fois à suivre pour les Uruguayens dans les 30 mètres de l'équipe de France. Tout le monde est bien redescendu. Mbappé, Giroud sont là pour défendre. Bah justement, Nzonzi a été appelé par le banc. Je pense qu'il va faire son entrée dans quelques instants. Allez, il faut dégager ce ballon. Pogba. La chandelle, est-ce qu'elle va sortir? Elle va longer la ligne. C'est Godin qui va mettre la tête pour remettre le jeu vers le centre, vers l'axe. Et la tête, le ballon derrière, effectivement mal exploité par Griezmann. Les Uruguayens à l'attaque et ça va à côté droit avec Nandez face à Hernandez qui touche le ballon. Il y a Mtiti aussi qui veille et qui vient mettre la semelle, qui vient mettre le pied pour écarter le danger. C'est bien ça de la part des Français qui ne s'embarrassent pas trop et qui mettent très souvent maintenant ce ballon hors des limites du terrain. 12 minutes pour l'instant, l'équipe de France qui est sur le chemin de la demi-finale. Ce sera face au Brésil, face à la Belgique, à voir. Ce sera suivi tout à l'heure sur RTL. Les Uruguayens qui ont ce ballon et qui insistent côté droit, le centre une nouvelle fois qui arrive de la droite avec Varane qui se bat avec Griezmann aussi pour dégager le ballon. Et il y avait une faute de toute façon, elle a été signalée sur Raphaël Varane. Le danger va être écarté et donc Steven Zonzi va pouvoir faire son entrée en jeu, les dernières consignes, les derniers encouragements, petite tape dans le dos. Didier Deschamps qui lui parle à Nzonzi. On a l'impression qu'il est il préfère pas écouter, hein. Il est là, il est déjà dans son match, il est concentré, il est focus. Et c'est Tolisso effectivement qui va sortir pour l'entrée en jeu du longiligne et costaud milieu de terrain de Séville. Je vous rappelle cette statistique assez incroyable concernant la France. La France a cadré 2 tirs, elle a marqué 2 fois. Voilà, tout est dit. 2-0 pour les Bleus. Merci Mousquera. Plus que 11 minutes à tenir dans ce match, dans ce quart de finale. Une courte pause et on revient à la France presque en demi-finale. RTL Mondial 2018. Tous avec les Bleus. Avec Winamax, site de paris sportifs, parce que vous méritez les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Quand ma fille m'a dit « Maman, t'as vu, chez Carrefour, il y a la deuxième des marques des soldes avec jusqu'à moins 70% sur encore plus d'articles textiles. » Moins 70%? Mais faut absolument qu'on y retourne. Résultat des courses? Telle mère, telle fille. Les as du shopping, c'est nous. Les soldes continuent chez Carrefour. En ce moment, il y a jusqu'à 70% de remise immédiate sur encore plus d'articles textiles. Carrefour. Remise appliquée sur les prix pratiqués avant le début des soldes, valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Magasin participant sur carrefour.fr. Bon, ben, c'est ma femme qui m'avait dit chez Opel, ils prennent tout ce qui roule 4 300 € pour l'achat d'une Opel Corsa. Bon, je lui ai dit, t'as mal compris. Elle m'a dit si. J'ai dit non. J'ai dit 4 300 € contre un truc qui roule, c'est pas possible. Elle m'a dit si. J'ai dit non. Du coup, l'offre, elle est passée. Et en fait, c'est ma femme qui avait raison. Depuis, avec Mamour, c'est tendu. C'est pourtant vrai. Pendant les German Days, journée allemande jusqu'au 13 juillet, Opel vous reprend tout ce qui roule 4 300 € minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Cet été, pas de vacances pour vos projets. Les soldes d'été, c'est en ce moment chez Castorama. Jusqu'au 16 juillet, venez faire des super affaires en profitant de remises allant jusqu'à moins 70%. Et grâce à la carte Casto, bénéficiez de 10% de remises supplémentaires. Vous ne l'avez pas encore? Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais les soldes, c'est seulement jusqu'au 16 juillet en magasin et sur Castorama.fr. Alors foncez! Castorama, ensemble on peut tout faire. Date légale selon préfecture, voire produits signalés en magasin et sur Castorama.fr. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Intermarché vous propose d'écouter le prix du jour. Ah ben ça, ça va nous faire une bonne entrée. C'est pas un dessert? Non, c'est une entrée. Ah non, c'est un dessert. Une entrée. Dessert. Entrée. Dessert. Entrée. Dessert. Aujourd'hui, la pastèque noire sans pépins, mon marché plaisir, est à 1,79€. Et c'est seulement jusqu'à samedi dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine Espagne, calibre 5-6, catégorie 1, prix à la pièce. Club RTL Mondial 2018. Éric Silvestro, Sylvain Charlet et Bertrand Latour. Uruguay, France. Il ne reste que 9 minutes dans le temps réglementaire. 9 minutes qui séparent les Bleus d'une demi-finale de Coupe du Monde. L'équipe de France qui mène 2-0 face à l'Uruguay. Philippe Sanfourche, Nicolas Georgerot, les supporters bleu-blanc-rouge peuvent chanter à Nizhny Novgorod. Pour l'instant, tout va bien. Ouais, il y a de la bagarre effectivement, il y a de l'âpreté, il y a la volonté de gagner les duels, mais ce sont les Français qui vont chercher encore un petit peu plus, un petit peu plus loin, au plus profond de leur trip, de tout ce qu'ils ont emmagasiné de d'expérience de ces matchs à haute tension. Ils sont au rendez-vous, on les attendait. Ils font le match d'une équipe, faut pas se voiler la face, d'une équipe qui postule pour aller au bout, d'une équipe qui est patronne sur le terrain et qui est équilibrée dans tous les secteurs de jeu et qui monte en puissance au cours de cette compétition. L'équipe de France ce soir a montré autre chose que ce qu'on a vu face à l'Argentine, mais là, oui. Là cette fin de match elle est gérée de manière parfaite. Ouais. Oui, et surtout elle a montré qu'elle était capable de s'adapter entre le jeu de l'Argentine, le jeu de l'Uruguay plus fermé, mais avec toujours cette la même efficacité, parce que quand même deux buts passés aux Uruguayens, même si le deuxième but est heureux évidemment parce que c'est la cagade de Mousselera, mais enfin il faut remonter un an en arrière avec une déculottée 3-0 contre l'Italie pour voir l'Uruguay encaisser une défaite par plus par deux buts d'écart. Pavard là, qui a le ballon qui va donner derrière. Et Hugo Lloris qui temporise intelligemment, il n'est pas marqué, il n'est pas mis sous pression par les attaquants uruguayens, du coup il attend pour dégager. Olivier Giroud, il aura fait un match, comme souvent, c'est un peu ingrat son rôle, mais quelle débauche d'énergie. Tous les duels aériens, il a été les chercher, il a été les gagner, il a des replis défensifs. Il a fait un match incroyable sur le plan. Oh, le bon retour de Lucas Hernandez. Le bon retour de Lucas Hernandez là sur Uretu Vizcaya, mais est-ce que ce ballon sera rendu? Oui, c'est en plus il y a la gagne de cette balle, ce sera bien un dégagement pour Hugo Lloris, mais à la course là Hernandez. Propre au contact sur le joueur uruguayen, il fait pas faute, mais surtout il revient à sa hauteur alors que l'Uruguayen semblait l'avoir pris de vitesse, mais il avait lu très bien le déplacement de l'attaquant uruguayen. Dégagement à venir d'Hugo Lloris, le chrono qui tourne, 6-30 encore dans le temps réglementaire. Pour l'instant c'est l'équipe de France qui est en demi-finale face au Brésil ou face à la Belgique. Et à la réception du ballon, ça va dépasser tout le monde, au-dessus de Giroud, au-dessus de Griezmann, ça revient jusqu'à Godin qui porte ce ballon. Allez, Giroud, un ultime effort pour aller l'empêcher de le transmettre dans de bonnes conditions. Il faut monter sur le porteur, N'Golo Kanté. Ah, qui se prend un petit pont. Ça va revenir du côté gauche pour Christian Rodriguez. Voilà, le ballon qui passe entre les jambes. Zonzi, parfait. parfait parce que ensuite il y avait eu un beau mouvement avec ce ballon qui avait été laissé, le ballon qui était passé entre les jambes derrière Zonzi, qui n'a pas été attentiste et qui est venu prendre ce ballon. Il est allé vers la balle, il n'est pas resté au contact de son joueur. Kanté maintenant sur la ligne médiane qui temporise, qui donne derrière à Samuel Umtiti. Il y en a un qui a pris de la maturité aussi dans le jeu, c'est Paul Pogba, hein, parce qu'il ne fait pas n'importe quoi. Très propre. Voilà, propre, il fait les différences, il ne met pas les ballons devant pour ne pas les perdre quand il ne faut pas. Et au final, il y a un patron dans chaque ligne. Et Didier Deschamps ne l'a jamais lâché et apparemment il sait parler à Paul Pogba. Ouais, Guy Stéphane aussi a un rôle important dans les discussions. Il n'a que 25 ans. La paire avec Kanté, il faut rappeler qu'avant ce match-là, c'est quand même le premier intercepteur de la compétition et le premier au nombre de duels gagnés. Donc ces deux-là, c'est du très costaud ce soir et depuis le début de la compétition. Allez, encore une fois, Paul Pogba à la réception, c'est très propre, c'est toujours élégant bien entendu, avec lui, cet amorti poitrine défensif, avec Kanté qui s'efface pour Griezmann, ça va monter côté gauche, Giroud qui attend un petit peu de soutien, il la redonne à Griezmann, on n'est pas attaqué, donc on conserve le ballon et on revient intelligemment. On laisse le temps s'égrener. La France a atteint l'Uruguay, vraiment. C'est la gestion, bonne gestion de la part des Français. Pogba qui conserve cette balle, la montée, le pavard, avec notamment Giroud qui est au second poteau, qui faisait un appel, qui demandait le ballon. Finalement, il revient sur ses pieds, il revient derrière avec Pavard qui donne à Zonzi, avec également Griezmann. C'est bien, on change de côté, on va donner ce ballon à gauche. On vivra peut-être en France-Brésil à deux jours de l'anniversaire des 20 ans de la finale. Serait le cinquième. On ne verrait pas les petits Belges. Ouais, bien sûr, exactement. Il y aura un match ce soir. Bien sûr. Ça nous arrangerait. C'est pour ça qu'on a mis un conditionnel, Philippe. Ça nous arrangerait. Non, mais c'est clair. En tout cas, là, profitons de cet instant, profitons de ce match, parce qu'effectivement, pour les néophytes, pour les gens qui s'intéressent un petit peu moins souvent au ballon, c'est forcément moins excitant, c'est moins flamboyant que le France-Argentine. Mais quand on est comme tous les auditeurs habitués, assidus des soirées européennes, des soirées de Ligue des Champions et des soirées de l'équipe de France, on a un match hyper costaud, hyper maîtrisé, hyper sérieux de l'équipe de France. Il y a très longtemps qu'on les a pas vus aussi intelligents, équilibrés dans chaque ligne, avec des patrons partout, avec Loris dans les buts, avec et un par ligne. Hein. Tu prends Varane, tu prends Pogba, tu prends Griezmann devant. Il y a des patrons partout et du coup ils emmènent les jeunes, ils emmènent tous ces garçons vers un niveau de performance qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et rajoute Lloris avec son brassard dans le but qui a été encore une fois décisif. C'est le premier que j'ai cité. Avec le bruit, sortie de Mbappé, entrée en jeu de Dembélé pour ces derniers instants, un petit peu plus de 4 minutes dans le réglementaire, mais il y aura évidemment du temps additionnel, au moins 3-4 minutes de temps additionnel. Il y a encore des choses à faire simples, lui a dit si jamais il y a de l'espace sur une contre-attaque. Dembélé, comme face à l'Italie en préparation, souvenez-vous, il n'a pas fait grand-chose, mais il a fallu une fulgurance, il nous a mis une belle frappe et ça avait fait un joli but face aux Italiens. Mbappé qui sort et donc entrée de son grand copain Ousmane Dembélé. Voilà la collade, même si tu sens un petit peu de frustration sur le visage de Kylian Mbappé. Ouais, il le prend dans ses bras, Deschamps, il lui parle à l'oreille et il est en train de lui expliquer qu'il a fait le boulot et qu'il pourra marquer, que la compétition n'est pas terminée. Il est déçu. Il sera en demi-finale de Ligue des Champions. Mais c'est bien qu'il soit déçu. C'est très très bien. Bien sûr. C'est incroyable. Mais l'image, elle est incroyable. Allez, premier ballon de Dembélé. Pogba, sur un pas là qui est face avec encore le dribble. Oh, il y aura peut-être faute sur Pogba. Ce sera un coup franc. Coup franc en plein axe à 30 mètres. Pogba. Quel match. Je ne sais pas qui sera man of the match. Griezmann, hein. Comme du match, bon. Un but, une passe avec la FIFA. Parce que c'est quand même lui qui déclenche. Mais avec la FIFA, ce sera sûrement Griezmann. Ça doit être Pogba. Mais le match de Paul Pogba, là. Je suis assez d'accord. Il va peut-être mettre le 3-0. Ah, mais s'il met un coup franc, Lucas. Ouais, là, c'est bon. Ah, mais c'est Griezmann qui le frappe. Voilà. Effectivement, rappelle le temps, on joue la 88e minute et toujours 2-0 pour l'équipe de France qui se dirige donc en demi-finale de ce mondial 2018. En attendant, coup franc par Antoine Griezmann, 28-29 mètres, très légèrement sur le côté droit, le mur uruguayen qui est à distance, monsieur Pitana qui surveille évidemment cette distance et la position des joueurs dans ce mur, ainsi que les joueurs français, notamment Pogba, Dembélé, encore Giroud, avec Griezmann à prise d'élan, c'est au-dessus, c'est au-dessus de la barre transversale. Sans problème pour Mister. C'était loin quand même. On était proche. C'était compliqué celle-là. En tout cas, pour le prix du meilleur acteur, moi je le donne à Monsieur Pitana. Ah oui. Il a une présence. Il a un côté Robert Wurtz, le ninja ski de l'arbitrage, vous vous souvenez. Robert Wurtz, c'est qui a oublié Robert Wurtz. Mais lui, il est plus grand, il est plus grand, il est plus impressionnant. Ah, mais il est théâtral là, non plus. Avec en plus une coupe de cheveux avec le gel bien comme il faut. Il est surtout pas très bon. Et il se regarde un peu arbitré, non? Il est assez marrant. Ouais, c'est très intéressant quand il y a les ballons dans la surface. Il a quand même tenu le match, ce match-là. Ouais, moi j'ai pas trouvé non, que il a pas fait de grosses allez, erreurs. Allez, dans 40 secondes, le temps additionnel. Dans 40 secondes, le temps additionnel. Alors que ce sont les supporters uruguayens quand même qui se lèvent et qui veulent soutenir jusqu'au bout leur équipe. Mais c'est bien l'équipe de France qui est devant grâce à début de Varane, grâce à début de Griezmann, et qui va rejoindre le dernier carré de la compétition. Coup franc à venir avec Ureta Vizcaya qui va frapper ce coup franc. Ce ballon qui va arriver dans la surface, c'est la tête de Lucas Hernandez. Et ça sort ce ballon, ça se fait une touche. Avec les Uruguayens qui vont jeter leur dernière force dans la bataille. Dans 15 secondes, on sera dans le temps additionnel. Et quelle est belle cette Coupe du Monde au rythme sud-américain avec tous ces supporters de la Céleste qui sont en train d'agiter leurs écharpes, leurs drapeaux pour remercier leur sélection. La douleur est immense, probablement pour eux, c'est une évidence. Mais malgré tout, la passion l'emporte. Et elle est belle cette Coupe du Monde avec le Pérou, avec l'Argentine, avec l'Uruguay pour l'instant. On profite à ces Bleus qui tiennent. Ouais. Qui tiennent. C'est la Copa América pour les Bleus qui éliminent un. Pour l'instant, les Sud-Américains. On verra si ce sera le Brésil ou la Belgique. Ça n'a rien à voir évidemment en demi-finale. 5 minutes, on est dans le temps additionnel. On vient d'entrer dans ce temps additionnel. 5 minutes encore à tenir pour l'équipe de France qui mène 2-0. Franchement, je rêve de la Belgique avec les errances défensives. Ça serait peut-être comme l'Argentine. Il y aurait tellement de boulevard pour les attaquants français. Mais bon, on verra, on vivra ce match tout à l'heure à partir de 20h. Attention, il y a 5 minutes encore, Eric. Ils mettent un but maintenant et après, t'es en souffrance c'est jusqu'à pas le la baiser, fin. Philippe, là, t'inquiète, t'as des gens de confiance. Donc, t'en fais pas. Mais t'en fais pas. Ouais. Moi, allez, peut-être même une contre-attaque pour l'équipe de France. Avec Pavard qui a essayé d'alerter, il y aura une main qui sera sifflée, même d'ailleurs par M. Pitana. Parce que oui, alors que Pavard avait vu que Griezmann était sur le côté droit et était prêt à filer et que Dembélé était dans l'axe. Eh bien, ce ballon a été stoppé donc de la main. 2-0, on est dans le temps additionnel. Il y a déjà une minute qui est passée dans ce temps additionnel. 4 minutes encore à jouer dans ce quart de finale. Hugo Lloris qui pose la balle et qui va frapper ce coup franc. Donc Griezmann va sortir. Entrée en jeu. Didier Deschamps est en train de lui souffler quelques mots à l'oreille. Et ce qui est vraiment impressionnant et extrêmement rassurant avec cette équipe de France, c'est que là, le palpitant, il doit battre quand même dans les cœurs là, hein, parce qu'ils savent que c'est le temps additionnel, que c'est quasiment fait. Et je trouve qu'il y a dans le placement, dans la façon de se parler, de bouger sur le terrain, il y a une sérénité, il y a une maîtrise qu'on n'a pas vue depuis une éternité chez les Bleus. Alors les Bleus, lors de France-Pérou, on leur disait ouais, vous avez eu un petit peu peur, vous menez que 1-0, vous avez eu du mal en seconde période. Et plusieurs joueurs nous avaient dit ouais, mais enfin on l'a géré et on l'a bien géré. Donc ils nous rétorquaient ça, ils nous répliquaient ça, notamment en zone mixte. C'était peut-être un peu surfait évidemment, mais là on voit effectivement toute cette maîtrise. La sortie d'Antoine Griezmann, l'entrée en jeu de Nabil Fekir. On est dans ce temps additionnel, la deuxième minute est passée, il y en a 5 dans ce temps additionnel et on restera donc 3. Monsieur Pitana qui demande à Griezmann de ne pas trop s'attarder sur la main quand même. Il sert la main, il sait qui sont les grands joueurs et avec qui il faut être bien. Antoine Griezmann, voilà l'accolade avec Nabil Fekir. Didier Deschamps qui le prend également, qui le prend dans ses bras. Parce qu'il y a aussi, c'est dingue. Il est tactile, hein, Deschamps. Ouais, là, on sent qu'il a besoin de serrer dans ses bras ses joueurs, de les féliciter, de quelque part, pas les réconforter, mais de confirmer dans l'attitude en fait ce qu'ils ont Nabil. Réussi, etc. Elle avait été compliquée, là, l'entrée de Nabil Fekir face à l'Argentine. Il avait notamment perdu un ballon très très dangereux, quasiment sur ses premières touches de balle. Là, il a tenté d'être un petit peu plus saignant, du coup, il a fait une faute, mais au moins. Au moins il est rentré dans son match. deux minutes encore dans ce quart de finale, toujours 2-0 pour l'équipe de France. La tête de Varane pour éloigner le danger, ça va revenir dans les pieds du défenseur du Real Madrid. Allez tiens, devant, débrouillez-vous avec ça pour Ousmane Dembélé qui a écarté le danger. Mais effectivement, d'ailleurs on voit aussi un peu dans les attitudes uruguayennes, même s'ils font preuve de solidarité et de courage, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y aura une main de Olivier Giroud là sur le dégagement de Mousquera? Non, ce ballon reste et donc moins de 3 minutes. Godin, long ballon devant. Que début d'avance, 2 minutes Philippe. Dans ce temps additionnel et en plus il y a eu le changement de Fekir. 2-30. Attention. 2-30 de but, c'est pas terminé. Ça fait gamelle, ça passe dans la surface. Allez, Varane, encore une fois, qui ressort cette balle. Il est monté aux avant-postes, Jiménez. Et le ballon dans la surface, encore une fois, à l'opposé pour Rodriguez. Ben, ça va être trop long. Et ça va sortir derrière la cage d'Hugo Lloris, qui applaudit ses défenseurs pour leur donner encore un petit peu de... Une minute. De peps, de jus pour terminer cette rencontre. Deux minutes avant d'être dans le dernier carré. Moins que ça, mon cher Philippe. Deux minutes chaussée, avant de rejoindre les Platini, les JRS 82, 86, les Zizou 98. 58, 2006. N'oubliez pas 58, s'il vous plaît. Mais bien sûr. Le dégagement du Lloris, les supporters de l'équipe de France qui sont debout, qui chantent déjà derrière le but de Mousserra. Les dernières secondes, 45 secondes. C'est l'Uruguay qui est à l'attaque avec ce ballon qui arrive sur le côté gauche pour Cristiano Rodriguez. C'est toujours 2-0 pour les Bleus grâce à Varane, grâce à Griezmann, avec ce ballon écarté dans la surface de réparation par Hernandez qui ne compte pas ses efforts, qui va sortir une nouvelle fois sur l'un des milieux uruguayens. Zonzi aussi qui est en contact malgré ce centre. Et c'est dans les gonds du Lloris, impeccable. 20 secondes, l'équipe de France sera dans le dernier carré. L'équipe de France sera en demi-finale. C'est qui, capitaine, de ce mondial 2018, face au Brésil ou face au Belgique à venir. Ah là là, il y en a qui voulaient nous l'emmener là, remplaçant pour une éventuelle séance de tir au but. Mais c'est le capitaine. C'est terminé. Oh, c'est terminé. L'équipe de France en demi-finale de cette Coupe du Monde 2018 grâce à ce succès 2-0. Face à l'Uruguay, les buts de Varane à la 40e et de Griezmann à la 61e sur cette énorme erreur de Fernando Mousserra. Les Bleus dans dernier carré. Les Bleus dans le dernier carré. Regardez-les. Ils sont en mission, les Bleus. Ils n'ont pas réussi leur mondial là. Ils n'ont pas, atteint l'objectif de Noël Le Graët, parce que sinon ils seraient les bras vers le ciel comme si tout était déjà terminé. Non. Là, ils sont en train de se parler. Ils sont en train de se dire, les gars, on a peut-être passé l'équipe la plus terrifiante sur le plan défensif. On a réussi à percer le verrou. Et maintenant, on va aller jouer une demi-finale pour aller en finale, pour aller au bout, pour aller au bout de cette mission. Et on les sent investis de quelque chose. Ils sont heureux, ces joueurs de l'équipe de France. Je suis obligé de te couper, Philippe. On doit marquer une courte pause. On va profiter du bonheur tout au long de la soirée. L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde après sa victoire 2-0 contre l'Uruguay. On revient tout de suite pour nous parler de cette joie à Nijni Novgorod. Club RTL Mondial 2018. Uruguay, France. Prime Day de retour le 16 juillet sur Amazon. Un jour et demi pour profiter de ventes flash incroyables. Tenté par un smartphone ou une valise, un barbecue, des produits de beauté ou une console, vous trouverez des milliers d'offres sur des marques comme Microsoft, GoPro et Lego, toutes réunies au même endroit. Ne manquez pas Prime Day sur Amazon. Du 16 juillet à midi jusqu'au 17 juillet à minuit. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore membre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49€ par an. Voir conditions sur Amazon.fr. Alice, qui fait ses courses dans un magasin U, discute avec le responsable du rayon fruits et légumes. Bah dites donc, ils sont beaux ces abricots. Mais bien sûr qu'ils sont beaux, et en plus leur prix est inratable. Des abricots origine France à 1,95€ le kilo. Alice s'exclame. 1,95€? Ah oui, vraiment, c'est beau. Enfin, c'est inratable. C'est jusqu'à samedi dans les magasins U participants, voire liste sur magasinu.com. Abricots calibre 45-50. U. Commerçant autrement. Christopher, toujours en tête de la course. Mais que fait-il ? Il s'arrête dans un centre Best Drive. En ce moment, chez Best Drive, recevez jusqu'à 100€ pour l'achat de pneus Continental. Conditions sur bestdrive.fr. J'aime les plages désertes. Me retrouver seul face à l'immensité de l'océan. Et partir en jet ski à fond dans les vagues ! Alors les dauphins, on fait la course ? Jusqu'au 18 juillet chez Chris, pour l'achat d'une paire de solaires d'un montant minimum de 60€, Chris vous offre la deuxième. Classique ou sportive, vous trouverez forcément les lunettes de soleil qui vont de pair avec vos envies. Chris, vous allez vous aimer. Chris, opticien officiel du Tour de France. Valable dans les magasins Chris et sur Chris.com sur une sélection de montures. Offre non cumulable avec des promotions en cours. Conditions en magasin ou sur Chris.com. Club RTL Mondial 2018. Éric Silvestro, Sylvain Charlet et Bertrand Latour. Uruguay, France. Allez, retour tout de suite à Nijni Novgorod avec les Bleus qualifiés pour les demi-finales du Mondial et qui vont voir leurs supporters. Philippe Sanfonche, Nicolas Jean-Jean. Oui, tout le groupe France devant les supporters avec Didier Deschamps au milieu de ses joueurs. Il les a pris un par un pour les féliciter. Le point rageur on l'a vu vraiment discuter aussi avec Kylian Mbappé, qui entre guillemets faisait encore un petit peu la tête et qui en tout cas voulait peut-être faire un petit peu plus dans cette rencontre. Peu importe, la qualification elle est là. Didier Deschamps a échangé quelques mots avec lui et beaucoup de sourires évidemment. On se félicite, on se congratule. Les Bleus qui vont retourner au vestiaire dans quelques instants, mais ils sont en train de prendre conscience en fait. Là, ils sont en train de prendre conscience qu'ils vont entrer dans le dernier carré, que maintenant c'est la dernière ligne droite, que dans une semaine quasiment, dans à peine 10 jours, on connaîtra le nom du champion du monde et que ça peut être l'équipe de France. Et on le voit dans les attitudes de Raphaël Varane, d'Hugo Lloris, des cadres, de Paul Pogba. Il y a du bonheur, mais ça exulte pas. Ils veulent garder encore de l'influx. Ceux qui exultent, ce sont les remplaçants Presnel, Kimpembe par exemple, qui sautent sur le dos d'Antoine Griezmann. Ils vont les aider à aller jusqu'au bout, mais là il y a une prise de conscience qu'ils ont fait quelque chose de gros aujourd'hui, qu'ils ont montré un statut de patron. C'est presque Didier Deschamps le plus heureux, ouais, qui lève les bras, qui tourne les poings, qui vraiment il a un sourire énorme qui barre son visage, avec les gardiens ensemble aussi qui se congratulent. Ouais. Et bien pour les Bleus, les valises non, mais Saint-Pétersbourg oui. Les Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde, Varane, Griezmann, les buteurs, toutes les réactions partout en France, de bonheur dans RTL Soir avec Bernard Poirette et Céline Landreau. On vous retrouve nous avec Bichente Lizarazu dès 19h15 pour la suite du club RTL Mondial 2018, et notamment à partir de 20h pour connaître qui sera l'adversaire des Bleus en demi-finale, le Brésil ou la Belgique. Restez bien sur RTL Première de France. RTL Mondial 2018. Tous avec les Bleus. Feuilles de briques craquantes, cherche fromage de chèvre au cœur tendre pour couler des jours heureux. Justement, chez Grand Frais, la bûchette de chèvre blanche ou cendrée de 150 grammes est à 1,49€ seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 7 juillet, 9,93€ le kilo, fabriqué dans l'Indre, 22% de matière grasse sur produit fini. Pour votre santé, bougez plus. Il faut refaire toute la toiture avec l'étanchéité et agrandir le salon. Okay. Pour la fin de la semaine, d'ailleurs. Vous travaillez bien en Ford Transit Courrier. Une bonne réputation se construit en Ford. Découvrez toute la gamme Ford Transit à partir de 99€ par mois et bénéficiez d'une reprise de votre ancien utilitaire de plus de 10 ans, quelle que soit sa marque, jusqu'à 1500€ en plus de l'Argus. Loyer hors taxe pour un transit courrier ambiant de 75 chevaux après apport de 1450€. LLD professionnel 24 mois 30 000 km jusqu'au 30 septembre. C'est acceptation par Bremen et Lise. Voir Ford.fr. Allô patron ? T'es encore sur Lidl Voyage ? Ah oui, sur le Cambodge et les temples d'Angkor. 12 jours, 9 nuits, à partir de 1640€. Un circuit inédit, hein ? Activité avec des ONG et les populations locales, dont un projet de reforestation. Nuit chez l'habitant et visite de Phnom Penh. Peine perdue, tu restes encore là. Oh, je suis mal. Lidlvoyage.fr, le vrai prix de vos rêves. Circuit Cambodge, 12 jours, 9 nuits, formule selon programme, à partir de 1640€ par personne. Départ de Paris le 15 novembre 2018. Offre valable du 3 au 9 juillet, inclus sous réserve de disponibilité. Plus d'informations et conditions sur Lidl-voyage.fr. Vous êtes bien sur RTL, première radio de France. Bonjour, c'est Bernard Sabat. Les vacances approchent, mais avez-vous pris toutes les garanties pour partir sereinement ? Avec la PST, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, vous êtes totalement protégé. En cas de défaillance du professionnel du tourisme qui a préparé votre voyage, vous partez quand même. Au pire, vous êtes remboursé. Pour reconnaître les 3600 membres de la PST, cherchez la petite coccinelle sur leur vitrine. La PST, la garantie financière de vos vacances. Le grand jeu Géant Casino avec RTL. À l'occasion de notre grand jeu, vous avez été très nombreux à vous rendre dans le Géant Casino de campagne pour tenter de gagner 500€ en carte cadeau. Retrouvons tout de suite notre gagnante du jour. Bonsoir Céline. Bonsoir Isabelle. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez trouvé l'hôtesse RTL ? J'étais hyper contente et je me demande bien ce que je vais faire de ces bons d'achat. Je vais peut-être faire un achat vidéo.